Les concours du jour qui arrivent. Ah. Oui. C'est pour ça qu'on les fait en début d'émission, les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires dans une petite dizaine de minutes. On va écouter Kygo et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Ça caille ce matin, c'est normal. La nuit a été belle pour tout le monde. La journée le sera tout autant avec du grand soleil au menu jusqu'à ce soir sur l'ensemble des régions. Grand ciel bleu également du nord au sud avant l'arrivée d'une petite perturbation demain par l'est. Les températures donc, 1 degré seulement dans l'Orne en ce moment, 3 sous le brouillard à Sedan, 8 à Montauban. Cet après-midi, il fera 15 à Brest, 17 à Saint-Étienne, comptez 20 pour Bandol. Un nouveau hashtag sur les réseaux sociaux, pas de vague, ou comment les profs racontent et dénoncent les violences verbales et physiques dont ils font l'objet en cours. Les enseignants victimes de leurs élèves pointent aussi du doigt l'absence de réaction des chefs d'établissement qui veulent apparemment trop souvent cacher les affaires. La vidéo de l'ado qui braque sa prof à Créteil n'a donc pas fini de faire réagir. Tout ne va pas si mal, tout du moins certains ne se plaignent pas en ce moment. Selon la dernière étude du Crédit Suisse, la France compte pas moins de 2 millions de millionnaires à l'heure actuelle, en forte progression sur un an. La hausse de l'immobilier, les placements financiers ou encore le climat de l'économie y sont pour beaucoup. Les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Japon et l'Allemagne sont devant nous. Des chiffres hallucinants, l'album de Johnny Hallyday, sorti la semaine dernière, s'est écoulé à plus de 630 000 exemplaires en seulement quelques jours. La maison de disques a donc déjà dû relancer la production. Un spectacle en guise d'hommage au chanteur disparu il y a un an devrait être organisé à Paris en 2019. On parle d'une trentaine d'artistes sur scène pour reprendre les plus grands titres lors d'une quarantaine de shows. La Ligue des champions de football, Lyon en éclaireur ce soir pour le début de la troisième journée de la phase de poule. L'OL se déplace en Allemagne à Hoffenheim dès 21h. L'autre affiche du jour se déroule en Angleterre avec Manchester United, Juventus Turin. Paris et Monaco joueront demain. Et c'est l'une des références. Lonely Planet publie aujourd'hui son guide 2019 des meilleures destinations touristiques. Pour la France, c'est la Normandie qui arrive en tête des spots à visiter avec les célébrations du 75e anniversaire du débarquement l'an prochain. Niveau monde, le Sri Lanka arrive en tête des pays à découvrir devant l'Allemagne et le Zimbabwe. Encore un petit peu de patience, il faudra attendre le 9 novembre pour découvrir les titres du nouvel album d'Imagine Dragons. 12 chansons au total, dont le single Natural. Le groupe américain vient de dévoiler la pochette. Imagine Dragons, nommé évidemment au Energy Music Awards cette année, ce sera le lendemain de la sortie. Vous votez sur energy.fr comme d'habitude. Et puis Guillermo del Toro et Netflix, ça match. Le réalisateur mexicain prépare une série pour la plateforme de streaming. Et il va aussi réaliser un rêve vieux de plus de 10 ans. Le site lui donne l'opportunité de réaliser son film d'animation sur Pinocchio. Une nouvelle adaptation du conte, donc la production devrait être lancée d'ici quelques jours, voire quelques semaines. 6h02, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 23 octobre. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 comme chaque matin. Bonne journée. Bonjour Paulette. Good morning. Bonjour Glandu. Chevouillant. Bonjour Nico. C'est parti mon kiki. Et bonjour papa. Envoie la purée Simone. Allez, ça commence. C'est pas ça. Non. Ouais. C'est en voiture Simone. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça. Bah, on voit la purée quand même Simone, je crois. 6h03, soyez les bienvenus, on est mardi, c'est le 23 octobre aujourd'hui. Et encore une fois, nous allons démarrer cette journée tous ensemble. Nous allons créer cette journée tous ensemble. Je dis encore une fois, mais c'est peut-être la première fois que vous nous écoutez. D'habitude vous écoutez autre chose et je sais pas, le ton radio a bugué et vous nous écoutez. Donc avant tout, premier mot, pardon. Deuxième chose, vous pouvez paniquer parce que c'est nous qui gérons tout. Voilà. Tous les moments du map sont là. Vous êtes là avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant. Vous pouvez nous appeler 0870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Il y a aussi les réseaux sociaux évidemment, Facebook, il y a Twitter. On a notre compte MySpace qui existe encore. Mais non. Si, moi j'ai encore un compte MySpace. Mais il y a du monde qui vient dessus. Personne. Ah d'accord. Moi le dernier. Même Tom il s'est barré, c'est le petit ami que t'avais en premier. Le créateur de MySpace. Tom de MySpace. Ah ouais, je sais pas ce qu'il devient. Putain, il a dû prendre un coup de vieux en plus lui. Ah ouais, forcément. Mais personne s'en fout, tout le monde s'en fout. Ouais. Bah alors oui, que quand t'avais MySpace, t'étais tellement content d'avoir un premier ami. Oh Tom. Mais oui. Mais tout le monde, en plus tout le monde lui écrivait. Salut, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Génial, merci de m'avoir un ami. Bon. Il y a aussi évidemment l'application Manu dans le 6-9. Vous pouvez nous envoyer des messages vocaux pendant l'émission, on les écoute en direct. Vous pouvez télécharger l'application, elle est gratuite. Et puis on va en écouter de temps en temps. Vous savez quoi, on va l'écouter maintenant. Allez, cool. Des messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Allez, on y va. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Je vous appelle, j'aimerais savoir si à partir de 13h à l'après-midi, 14h, 15h, etc., vous préférez dire 13h, 14h, 15h, ou une heure d'après-midi, 2h d'après-midi, 3h d'après-midi? Très bonne question. Qu'en pensez-vous? Que préférez-vous? Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Alors, je regrette d'avoir dit, tiens, si on écoutait les messages. Ouais. Mais merci à toi. Effectivement, je pense qu'il voulait appeler Nostalgie. Hein. Oui. Est-ce qu'on dit 14h ou 2h? Franchement, tu dis ce que tu veux. Ouais. Ouais. Toi, des fois, j'aime bien les débats qui servent à rien, mais là. Ah non, vraiment, ouais. Ouais. Allez, un autre. Hey, c'est toute l'équipe. Alors, moi, j'ai un talent, je pense. C'est je sais faire la goutte d'eau avec ma bouche. Écoutez. Voilà. C'était moi. Ah pas ouais, mal, ouais, c'est ouf. Il le fait vachement bien. Ah ouais, ouais. Ouais. Après, dans la vie de tous les jours, ça sert pas à grand chose. Non. Mais non, non, non. Je pense pas que t'arrives en boîte et tu fais une nana. Je peux te faire de la goutte d'eau. Je suis pas sûr que ça marche. Ouais. Non, mais il peut appeler par exemple un plombier parce qu'il a un évier bouché et lui dire bon, ben voilà ce qui se passe dans l'évier. Ah, c'est vrai. Tu vois, c'est pratique. C'est vrai, c'est vrai. C'est... Après, le plombier, a priori, quand il sait qu'il y a une fuite, il sait ce que ça fait. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Tu mimes la fuite. 6h06, dans 3 minutes, les concours du jour arrivent. Des gens improbables qui font des choses improbables. On vous raconte leurs histoires juste après Kaigo et Imagine Dragon. Soyez les bienvenus sur Énergie. Sur Énergie, il est 6h09, on va écouter Labrine Tessia. Ça arrive dans 2 minutes, mais avant ça, voici comme chaque matin des gens improbables qui font des choses improbables, ça s'appelle les concours du jour. Écoutez bien, vous allez vous sentir mieux après avoir écouté ces histoires. Ah. Nous partons d'abord en Éthiopie. Nos premiers concours du jour étaient bien. Ouais. Ah, c'est cool. Ah bah oui. Écoutez, tout le monde veut être dans les concours du jour. Hein. En Éthiopie, un homme est arrivé aux urgences pour des maux de ventre. Et ils lui font une radio. Et après la radio, les médecins découvrent et retirent de son estomac 122 clous de 10 cm de long. Oh là là. 122 clous dans son ventre. D'où les maux d'estomac. Ah bah ouais. Alors il a dit... Je n'y peux rien, j'aime le goût du fer. Oh là là. Ah non, oh là c'est compliqué. Ah ouais. C'est-à-dire que lui, il vient t'aider à bricoler, c'est mort quoi. Tu sais que ton meuble, jamais il sera monté quoi. Ah oui, mais pour un premier rendez-vous, c'est, je t'emmène dans mon resto préféré. Un italien ? Non, casto. Bon. Ah ouais. Deuxième concours du jour, nous revenons en France, en Seine-Maritime. Un homme décide, après l'anniversaire de son fils, de brûler tous les emballages de calots dans le jardin. Mmh. Ouais. Il a été gâté, il y a eu beaucoup d'emballages de calots, donc ça fait un joli feu. Et le feu se propage à la réserve de bois, puis à la maison elle-même, puis à celle du voisin. Les deux maisons sont inhabitables. Ah, mais non. Encore une fois, bon anniversaire. Dernier concours du jour, ça se passe en Russie. Dans une étable, un homme vole en pleine journée du bétail et décide de le cacher dans le véhicule qu'il a aussi volé. Ouais. Un bus. Voilà. Le mec veut mettre des vaches dans un bus. Et des vaches dans un bus, effectivement glandu, c'est pas discret. Du coup, ça a complètement attiré l'attention d'une patrouille de police qui a arrêté le mec. Surtout s'il s'arrêtait à tous les arrêts en disant qui veut monter. Non mais le problème c'est quand la police t'arrête, qu'est-ce que tu dis comme excuse? C'est pas ce que vous croyez, je les emmène à l'école. Et 6h11, on va revenir dans 3 minutes avec Labrinth et Sia. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Bienvenue sur Énergie. Ma Manu. C'est Manu dans le 6-9. Énergie. I do it so long. Music only. Ay, on a comme moi, okay. Hello, papi, mais qui va ça? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen. Katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta kata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta kata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta kata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta kata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta kata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. Dans mes doigts. En katana, baby, tu t'aides ça. Bonjour, c'est Iris Moutonnard, Miss France 2016. Si je participe à Danse avec les Stars, c'est pas pour gagner. Non, c'est juste pour attirer l'attention de Manu. Eh ouais. Et c'est peut-être vrai, parce que selon le magazine Gala, Iris Mittener et Kev Adams, ce serait terminé. Mmh. Oh. Ce qui veut dire que Iris Mittener, Miss France, est célibataire. Et une rumeur, hein. Quoi, une rumeur? D'un nouveau mec, elle serait avec le danseur, là, de danser avec les stars. Non, elle danse ensemble, c'est tout. Ah, ouais, t'es au courant, du coup, t'es ah ouais, non, je suis pas au courant, mais je le dis. C'est un ordre. Ouais. Vous me laissez tranquille. Je veux pas tout mettre par terre, mais ça vient d'un membre du comité Miss France qui a dit que, il y avait un truc entre eux. Mais Manu, fais ce que tu veux, hein. Ah. Qu'est-ce que le mec du comité Miss France, il sait ce qui se passe dans Danser avec les stars? Eh bah, écoute, hein, il s'est mis. Oh, ça suffit. Vous me laissez avec Iris Mittener, on va se marier. Voilà. Merde. Okay. 6h15, juste après la Brine Tessia, je vais vous sortir une liste de phrases qui commencent toutes par « c'est toujours quand ». Ouais. Exemple, c'est toujours quand les amis débarquent à l'improviste que j'ai plus rien à boire. Ah c'est toujours quand je suis sous la douche que le livreur sonne pour me donner mon colis. Ah, oui. J'ai toute une liste comme ça, je vous la lis juste après la Brine Tessia sur Énergie. Fait un petit peu beaucoup à la fin, si je peux me permettre. Je n'ai rien contre Sia, mais à la fin, elle nous fait une démo, hein, excusez-moi. Elle s'est crue à The Voice. Et ben non, je me retourne pas. 6h18, on va écouter le titre qui nous fait penser qu'on est habillé comme James Bond. Calvin Harris, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et avant ça, j'ai une liste devant les yeux, je vous en ai parlé il y a 3 minutes, de phrases qui commencent toutes par « c'est toujours quand ». Ouais. Écoutez bien. On va pouvoir compléter cette liste. D'accord. C'est toujours quand des amis débarquent à l'improviste que j'ai plus rien à boire. Ah ouais, c'est galère. Tellement vrai. C'est toujours quand je suis sous la douche que le livreur sonne pour me donner mon colis. Mais t'as l'impression qu'il attend derrière la porte et qu'il écoute. Mais tu dis pas, je vais sonner. Mais c'est pas une impression, hein. C'est ça, tu penses? Mais tous les mecs d'Amazon et du PS, c'est leur jeu. Oh non, non, non. Mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Ils ont, je suis sûr qu'ils installent des mouchards avant d'arriver chez toi, voir des caméras. Et dès que t'es sous la douche, tiling. Bien sûr. Et bien évidemment. C'est toujours quand je suis enfin en vacances que je tombe malade. Ouais. Ça, ouais. C'est la, ça, c'est la classique. Mm. C'est toujours quand je m'absente deux minutes qu'il y a un but au foot à la télé. Ah ouais. Ne jamais aller faire pipi pendant un match de foot. Ouais. C'est la base. Ils le savent aussi. Mais oui. C'est les mêmes que chez Amazon. Ouais. Ils calculent leurs trucs. Mais moi, quand mon équipe perd, du coup, je m'absente. Tu vois, je vais chercher des trucs au frigo, je vais faire pipi. Parce que je me dis peut-être qu'ils vont marquer un but pendant que je suis pas là. Et ça marche pas, du coup. Ah non, ça marche pas. Et en plus, ça, ça marche pas. Non. Je vous propose de compléter cette liste. C'est toujours quand, Paulette? C'est toujours quand il y a la meilleure fête que j'ai un repas de famille le lendemain midi. Ah, ouais. Que, c'est toujours ça. Et que ta famille te dit, mais dis donc, tu bosses beaucoup, t'es fatigué. Hein. Le rire de Paulette. Ouais, c'est ça. Nico, bon, c'est toujours quand t'arrives au supermarché que tu te rends compte que bah, t'as oublié de prendre des sacs. Ah bah oui. Toujours. Tout simplement. Voilà. Toujours. C'est jamais toujours. En partant de chez toi hein, que tu le sais. Mais alors, moi maintenant, je suis encore plus nul que ça parce que les sacs, je les ai dans ma voiture. Ouais. Je sais qu'en partant, je les ai dans ma voiture. J'arrive au supermarché et au milieu du supermarché, je fais putain les sacs. Ah, mais ah oui. C'est encore plus près. Hein. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu peux pas sortir du supermarché pour retourner sur le parking. Non, non, non. T'es baisé, t'en rachètes un. Accroche les rétroviseurs. Comme ça, tu les oublies pas. Ah oui. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est encore plus pourri que le sapin qui pue là. C'est toujours quand, Isabelle? C'est toujours quand t'as envie de faire pipi, que tu trouves pas les clés dans ton sac et que tu es devant ta porte. Oh. C'est insupportable. Ah, c'est relou, ça. Mais c'est toujours quand t'es proche de chez toi que t'en peux plus pour le pipi. Ouais. C'est bizarre. Cynthia, bonjour. Bonjour Manu, salut de Wanwan. Bienvenue sur Énergie, Cynthia. C'est toujours quand, on t'écoute. Alors, c'est toujours quand on est en retard qu'il y a des problèmes sur la route. C'est ah vrai. Ouais. Ah ouais. C'est toujours quand tu dois aller vite qu'il y a toujours un mec qui va lentement. Ouais. C'est vrai. Toujours. Et tu pries pour qu'il tourne au prochain rond-point, le mec. Mais jamais. Mais non, évidemment. Jamais. Il prend la même route que toi, mais comme exactement. S'il allait au même boulot que toi. Mais c'est toujours dans ces moments-là où tu sais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi Pierre, avec son tracteur, il a décidé de venir ce jour-là. C'est dingue, et t'as l'impression qu'il t'accompagne. Oui, oui. Il regarde dans son rétro, il se dit, ah, là, il tourne pas, donc je vais rester tout droit aussi. Exactement. Alors qu'il voulait tourner, mais oui. Il peut te faire chier. Merci, Cynthia, de nous avoir appelé. Glandu? C'est toujours quand je veux cuisiner que je tombe sur ce petit plat tout fait, là, dans le frigo. Ah, ouais. C'est il fait de l'œil. En fait, ta vraie phrase, c'est toujours que j'ai la flemme. C'est juste ça. C'est peut-être ça. Oui. C'est toujours quand, Nico? C'est toujours quand j'ai un week-end tranquille que ma belle-mère débarque à la maison. Oh. Voilà. Donc, globalement, ça va, oui. Tous les week-ends. Ça va aller, bonhomme. Je suis pas bien. Ça va aller, on va te sortir de là. Elle est encore là. Elle est encore là. Il y a un moment, je vais prendre mon téléphone. Je vais lui expliquer. Maxime, bonjour. Salut Manu, salut les wouah. C'est toujours quand on compte tes côtes. C'est toujours quand on a mal à la tête que la boîte de Doliprane est vide. Ah mais oui. Ah mais ouais. C'est marrant ce truc-là, c'est vrai. C'est comme une punition divine, quoi, qui te dit t'auras mal à la tête, bien fait pour toi. On est d'accord que Dieu est pas débordé du coup. Hein. Merci de nous avoir appelé, Maxime. Belle journée à toi. Salut. Ciao. 6h22 sur Energy. Calvin Harris tout de suite pour vous. Bon réveil. Are you drunk or not? Now they judge what I'm doing. Are you high enough? Your skills that I'm ruined, cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight.

Leclerc. Chérie, 70% de tickets Leclerc sur les tablettes, lave-vaisselle, finish, tout en un max chez Leclerc. Quelque chose me dit que t'en as pris. À ce compte-là, tu m'étonnes. Du 23 octobre au 3 novembre chez Leclerc, la boîte de 63 tablettes pour lave-vaisselle, finish, tout en un max est à 8,31€, soit 8,07€ le kilo, avec en plus 70% de tickets Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 70% de tickets Leclerc. Ça fait 5,82€ sur la carte, j'ai calculé. Et si vous preniez rendez-vous avec Renaud Zoé? Samedi dernier, on avait encore 1000 choses à faire. Les courses, bien sûr, mais aussi la compétition de judo du grand, l'orthophoniste, les cours de piano. Et ben après tout ça, on était loin d'avoir épuisé la batterie. Et oui, avec Renaud Zoé, on peut faire jusqu'à 300 km sans recharger. Et puis, il faut souvent emmener les copains. Alors merci les 5 places de Zoé. Du 1er au 31 octobre, ne manquez pas le rendez-vous électrique dans le réseau Renault. Réservez dès maintenant votre essai au 30-23. Oh chérie, j'ai vu une offre de dingue! On peut avoir la fibre avec la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. Ah ouais, c'est dingue! Mais ouais! Et t'as plus de 270 chaînes incluses, un disque dur de 250 gigas. On peut pas louper ça! Oh non, t'as raison chérie! Allez hop, on les appelle tout de suite. J'ai pas de téléphone. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama, en ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Leclerc. Chérie, l'auto Leclerc fête ses 30 ans. Vite, les clés de la voiture. Quoi, là tout de suite? Avec des super promos sur des grandes marques d'équipement auto et sur les pneus, on fonce. Il y a un grand jeu avec à gagner des cartes cadeaux de 10, 20, 30 et 50 euros et une Renault Clio Trend. Et tu me dis ça comme ça? Du 23 octobre au 10 novembre, venez profiter d'offres exceptionnelles et participer au grand jeu anniversaire des centres l'auto Leclerc. Voir modalités sur www.auto.leclerc ou à l'accueil des magasins participants. L'auto Leclerc fête ses 30 ans. Allez, allez, on est parti. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 6h31, on va écouter Maître Gims. Le pire. Ça m'avait manqué. Ouais. Wow. Ça arrive juste après les infos et les sondages du matin arrivent dans 10 minutes. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Une belle journée en vue pour tout le monde. Du soleil sur toutes les régions ce mardi, sans aucun nuage en principe. Attention quand même à quelques poches de brouillard en ce moment dans la moitié nord, principalement sur les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne, le centre Val-de-Loire. Et les températures sont assez fraîches, 3 degrés seulement à Metz, 5 à Saint-Flour au réveil. Cet après-midi, il fera 17 à Dijon et au Mans, comptez 18 à Albi. Au final, c'est plutôt pas mal. 85% des étudiants qui mangent dans les cantines universitaires recommandent les menus qui leur sont concoctés chaque jour. Bilan d'un sondage réalisé dans tous les Crous du pays. Les horaires, les prix, l'accueil, la qualité de la nourriture sont plébiscités dans cet ordre. En revanche, il reste du boulot pour réduire les files d'attente et offrir plus de choix. Dans l'actu également, un véritable ras-le-bol. La vidéo d'un prof braqué par un élève en plein cours aura au moins permis de mettre en lumière la détresse de nombreux enseignants. Depuis deux jours, ils sont des centaines à raconter leurs propres histoires sous le hashtag « Pas de vague ». Sur les réseaux sociaux, des histoires de violences verbales ou physiques subies dans l'enceinte de leurs établissements. Le pire, c'est que selon eux, très souvent, les proviseurs ne veulent pas en entendre parler. Et le chiffre du jour, 630 000, soit le nombre d'exemplaires écoulés du nouvel album de Johnny Hallyday sorti vendredi. Le carton annoncé est donc confirmé. Deux affiches principales ce soir en Ligue des Champions. Côté français, on suivra particulièrement le match de Lyon en déplacement à Hoffenheim en Allemagne dès 21h. Et sinon, il y aura aussi Manchester United, Juventus Turin au même moment. Rendez-vous demain pour la suite et la fin de la troisième journée de la phase de poule avec Monaco et Paris. Sa disparition a laissé des millions de fans orphelins. 7 ans après, le nom d'Amy Winehouse revient sur le devant de la scène alors qu'un biopic est en préparation. Le tournage doit débuter l'année prochaine et on cherche toujours celle qui lui prêtera ses traits. Un retour sur grand écran et pas seulement, sa voix va résonner comme jamais ces prochains mois. Morgane Barthélémy. Oui, à commencer par un documentaire attendu le 2 novembre. On y redécouvrira la Britannique à travers des images inédites, des interviews et un concert londonien donné le soir même où les Grammy Awards lui décernaient 5 trophées à Los Angeles. L'année prochaine, la diva sera également sur scène. Pas de mauvaise blague, c'est son hologramme qui partira en tournée avec un groupe de musiciens en chair et en os. Un exploit technique réalisé grâce à la modélisation numérique de centaines de vidéos d'archives. On entendra même des versions retravaillées de ses anciens titres. Amy Winehouse, c'est aussi un héritage musical revendiqué par des dizaines d'artistes. Sa voix soul a inspiré Adele, Lady Gaga lui doit son goût pour la provoque et Sam Smith, la poésie sombre de ses textes. Son nom est aussi synonyme d'espoir avec une fondation qui vient en aide à de jeunes personnes en difficulté. Les recettes du biopic lui seront intégralement reversées. Voilà, Amy Winehouse qui ne quitte pas le cœur des Britanniques. Ils ont classé Back to Black dans le top 10 des meilleurs albums de tous les temps là-bas. 6h34, c'est la fin de ce flash. Bon réveil avec Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon mardi. Des femmes disent préférer qu'un homme les voie seins nus plutôt qu'ils voient cette partie de leur corps. Va devenir intéressant dans 5 minutes. Les sondages du matin, dont celui-là, ça arrive juste après Maître Gims. Il est 6h34, soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre cette journée ensemble, c'est Manu dans le 6-9. N'hésitez pas à nous rejoindre comme chaque jour. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, il est gratuit. C'est le 0870 42 48. Et j'ai une bonne question à vous poser. Ah ouais? Qui va vous permettre de nous appeler. D'accord. J'ai trouvé sur un forum cette discussion. La question était: quelle est la chose la plus triste que vous ayez faite récemment? Je donne des exemples pour que vous pigiez le truc. Parce que je viens de casser mon mug, je réutilise depuis plusieurs jours mon gobelet en carton de Starbucks pour y faire couler mon café. Ouh là là. T'as ton prénom écrit dessus, c'est classe. Bah oui, comme ça, bah chez toi, oui, tu le perds pas. Quoi. Ouais. Voilà. Un autre, j'avais faim et ma banque était trop loin pour retirer de l'argent. J'ai payé un burger à 2 euros au McDo avec les petites pièces de 1 centime qu'il me restait. Alors, et là, tu penses aux gens qui sont derrière et qui attendent là, c'est horrible. Ah bah oui, mais bon, voilà. Et il avait faim. Un petit dernier moment triste, ma chaudière était en panne pour une durée indéterminée. J'ai donc pris un abonnement en sport juste pour y aller prendre une douche chaude. Ah oui. Voilà ces moments tristes où il y a un mélange de flemme, de j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire d'effort. Quel a été votre moment triste récemment, Nico? Moi, c'est pas bien, mais j'ai aspergé mes draps de Febreze pour faire croire à ma femme que je les avais lavés. C'est mal. Bah, c'était ma mission du week-end et j'ai échoué quoi. Je devais laver les draps, me l'avait demandé, je l'ai pas fait. C'est bon, et il y a cru? Ah bah pour l'instant ça tient. Mais sauf que toi tu sais qu'ils sont sales. Ah moi je sais qu'ils sont sales. Quoi, j'ai mis un petit coup aussi à repasser pour faire comme si. C'est pire. Ça me rappelle moi quand j'étais petit, je voulais pas prendre ma douche. Ouais. Donc j'allais dans la salle de bain, je fermais. Et parce que je voulais pas prendre ma douche, en fait, je restais, je faisais couler l'eau. Mais le temps de la douche, hein. Ouais. Je faisais juste couler l'eau, j'aspergeais la serviette pour faire croire que je m'étais rincé. Si. Ouais. Et à la fin, je ressortais en disant j'ai pris ma douche. Tout était merdique là-dedans. Mais oui. J'avais mis plus de temps que si j'avais pris une douche. Ouais. J'ai gâché de l'eau pour rien et je puais. Ouais. Voilà. Bilan nul. Mais t'avais la flemme de le faire. Mais j'avais la flemme. Voilà. D'où la question: quelle est la chose la plus triste que vous ayez faite? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Il est 6h37, les sondages du matin arrivent dans 3 minutes. Juste après Maître Gims sur Énergie. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Autant que le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. 6h40, bienvenue sur Énergie. On va écouter Georges Ezra dans 2 minutes, mais avant ça, comme chaque jour, voici les sondages du matin. On commence par celui des seins nus. Allez. Ah ouais, comme par hasard. Comme par hasard. 15% des femmes disent préférer qu'un homme les voie seins nus plutôt qu'ils voient cette partie de leur corps. Quelle est cette partie de votre corps, les filles? Isabelle? Leurs aisselles. Non. Non, c'est pas ça. T'as pas envie qu'on voit tes aisselles? Ah non, pas du tout. Je sais pas, j'aime pas trop les aisselles. Ok. Paulette? Bah, leurs fesses. C'est pas leurs fesses. La question classique, c'est sexuel ou... Non, non, pas du tout. Ah, c'est ouais. Pas, ah non, c'est ouais. Non, c'est pas sexuel. Leurs okay. Pieds. Bonne réponse de Glandu. Ah bah oui. 15% ouais. Des femmes disent préférer qu'un homme les voie seins nus plutôt qu'il voie cette partie de leur corps, leurs pieds. Sérieux? Paulette? Tout dépend si c'est manucuré. Ah, et si c'est pas manucuré? Bah, c'est pas beau. Ok, c'est t'es manucuré là? Ouais, je suis manucuré. Merde. Ah, non. Dommage. 46% des hommes se disent incapables de faire cette tâche. Nico? C'est une tâche ménagère ou pas? C'est pas ménager, mais c'est une tâche, oui, c'est okay. Dans l'esprit, ouais. Quoi. Repasser correctement? Non, c'est pas repasser, mais c'est un rapport avec les vêtements. Oula. Oula. Mettre les vêtements dans la panière? Non. Les laver? Non, c'est pas les laver. Les plier, c'est bien les plier. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Les choisir? Ah, non, c'est vrai que c'est compliqué ça, mais non. Non, faire un ourlet là. Ouais. Un ourlet. Ah ouais. Un ourlet. Trop mignon. T'as qu'à faire la liaison quand même. Non, j'aime pas faire la liaison avec okay. Le mot ourlet, j'aime pas le mot ourlet. D'accord, ok. Alors c'est pas un ourlet, mais c'est dans le même esprit. Ouais. Ah bah c'est la couture. Recoudre un vêtement, ouais. Absolument. Ah, aussi. Quasiment un homme sur deux, 46% des hommes se disent incapables de recoudre un vêtement, mais j'en fais clairement partie. Ah ouais, moi aussi. C'est simple, j'ai pas de quoi recoudre chez moi. Donc voilà. Ouais. Et puis on peut se faire mal avec l'aiguille et tout. Oh là, non, mais exactement. Je préfère pas le recoudre. Mais c'est hyper dangereux les aiguilles. Ouais, ouais, moi je touche pas ça. Hein. Ah non, ouais. Non. Il y a des petits machins pour mettre au bout des doigts. Hein. Ça s'appelle des dés à coudre. Ouais, bah c'est ça. Et grand-mère, franchement. Je te laisse faire ça. Hein. Tu m'as appelé grand-mère là. Oui, je t'ai appelé grand-mère. C'est okay. Toi qui as commencé, tu parlais du dé à coudre. Ok. En moyenne, un adulte le fera 1230 fois par mois. Qu'est-ce qu'on fait 1230 fois par mois? Non, Glandu, c'est pas l'amour. Je voyais le grand sourire sur son visage. Nico. Rire? C'est pas rire. Se regarder dans le miroir? Non plus. Ça fait du bien? Ça fait ni du bien ni du mal, ça peut être les deux. Okay. Ça dépend du contenu. D'accord. C'est un truc que tu fais seul ou tu dois le faire avec quelqu'un? Ah non, tu le fais avec quelqu'un. Ah. Avec quelqu'un, avec plein de personnes d'ailleurs, 1230 fois par mois. C'est avec quelqu'un, avec un objet? Il y a un objet entre toi et la personne? Il y a un objet entre toi et la personne, absolument. Bah, c'est un coup de fil? C'est pas un coup de fil, et si c'est pas un coup de fil, c'est donc un... Un SMS. Un SMS, absolument. Ah ouais. On passera en un mois 1230 SMS. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est pas si énorme que ça en un mois. Bah oui, c'est ça, moi je me serais dit le ouais, double. Ouais, mais si, t'inclus les WhatsApp et tout ça, ça compte dedans. Ah. Et avec tous les groupes qu'il y a maintenant, tu passes ton temps à envoyer des messages à droite à gauche. Oui, mais c'est pas énorme. Ah, 1230? Bah oui, par mois. Si, moi je trouve que c'est une bonne moyenne quand même. Ah ouais? Ça fait combien par jour? Je sais pas, on s'en fout. On s'en fout. On va écouter Jean Gézera. Il y a que comme ça qu'on peut savoir. Ouais, ouais, ouais, on t'écoute plus là. Reste avec les dés à coudre. Tiens, offrez-lui un dé à coudre. Jean Gézera sur Énergie tout de suite. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Bon réveil sur Énergie, c'est Manny dans le 6-9. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. equate to navigate to. Gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Dans 20 minutes sur Énergie, on va doubler votre salaire. Ça va se passer à 7h05. Vous pouvez vous inscrire à énergie.fr ou Manu dans le 69.com. On va écouter 10 euros dans 3 minutes. Et avant ça, on parle de nos choses tristes qu'on a faites. Oui. Ouais. Je vous rappelle que tout est parti d'une question sur un forum sur internet. Quelle est la chose la plus triste que vous ayez faite récemment? Ouais. En réponse, il y avait: parce que je viens de casser mon mug, je réutilise depuis plusieurs jours mon gobelet en carton de Starbucks pour y faire couler mon café. Et un autre, c'est mon préféré, celui-là: ma chaudière étant en panne pour une durée indéterminée, j'ai pris un abonnement au sport juste pour aller y prendre une douche chaude. J'adore. Sandrine, bonjour. Oui, salut Manu, salut les ouin-ouin. Salut. Salut. Bah, bienvenue écoutez. Sur Énergie, Sandrine. Raconte-nous Merci. Une belle chose triste que tu as faite. Bah, écoute, j'ai explosé mon bouton de jean et je l'ai remplacé par un trombone, par flemme d'aller en acheter un autre. Ah ouais. Wow. C'est pas mal, c'est ouais. pas mal ça. En fait, le truc, tant que personne le voit et ouais, le remarque, ça. Ouais. ça passe. Exactement. Mais dès que quelqu'un voit que t'as un trombone, ouais. j'avais un pote comme ça. Et là, ça craint. Il avait oublié sa ceinture et pareil, et le seul truc qu'il a trouvé à mettre à la place, c'était un tendeur de vélo pour aller une soirée. Mais non. Ouais. Oh. Et il est allé, bah, pareil que toi, avec son jean et un tendeur de vélo, quoi. Mais il peut dire que c'est la mode aux États-Unis, par exemple. Tu vois, alors, quel genre de truc qu'on dit dans ces cas-là. On y a pensé, mais quand on voyait le truc, impossible. Même les hipsters, ils disaient non. C'était injouable. Merci de nous avoir appelé, Sandrine. Belle journée à toi. Quelle est la chose, une des choses les plus tristes que vous ayez eu à faire, Isabelle? Je suis arrivée trop tard au supermarché. Tu sais, quand le rideau de fer est baissé à moitié. Oui. Et donc, je suis passée en dessous très, très discrètement. Et à ce moment-là, il y a le vigile qui m'a vue, qui m'a regardée dans les yeux. Et il m'a fait le signe avec le doigt comme ça de ressortir. Aïe. Donc, je suis ressortie toute penaude comme ça. Ouais. Voilà. Ah, bah, t'as un sentiment d'humiliation. Oui, mais t'étais seule, il n'y avait pas tes enfants. Non, j'étais toute seule. Parce que non, s'il y avait eu les enfants, alors il dit: allez-y, les enfants, allez-y pour moi. Non, jamais de la vie. Gaëtan, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Salut. Bienvenue sur Énergie, Gaëtan. Raconte-nous ton petit moment triste à toi. Bah alors moi, c'est vraiment triste. Mais par flemme d'aller aux courses, j'ai utilisé du sopalin à la place du papier toilette. Oh. Ouais. Ah mais alors ça, je l'ai fait moi. Mais... Ouais. Ah ouais. J'ai eu une époque dans ma vie, j'utilisais plus de sopalin que de papier toilette. Hein. Après c'est le même délire, triple épaisseur, tout ça quoi. Non, c'est pas. Ah, voilà. Ah ouais, c'est pas aussi. Ouais, non, c'est pas ouf. On va pas en parler pendant 1000 ans. Non, mais... parce qu'il est quand même 6h48. Ouais, mais pas de détails, mais au niveau sensation. Non, okay. Les sensations sont pas bonnes. Okay. Pensez aux canalisations surtout. Il faut jamais mettre ça dans les toilettes, hein, le sopalin. Jamais. Non, mais vraiment, je rigole pas, Manu. Jamais mettre le sopalin dans les toilettes. Mais jamais. Mmh. Et le papier toilette, on le met dans le... Ben oui, tu peux, parce que c'est la bonne matière à mettre dans les toilettes. Mais le sopalin, c'est trop épais. Mmh. Non, ne le fais jamais, vraiment. Si tu tiens à tes canalisations. Si ça continue, sinon... on va te mettre toi. Attention. Et tu sais quoi? Et même si tu bouches les canalisations, on s'en fout. Hein. Merci de nous avoir appelé, Gaëtan. Vos moments tristes, Paulette. Un matin, là, je trouvais pas ma brosse à dents. Et du coup, j'ai pris mon doigt, j'ai pris du dentifrice et je me suis brossé les dents au doigt. Ah, mais ça, je l'ai fait chez les scouts, ah ouais. Ça. Mais j'ai l'impression que t'as tout fait, Manu, ça m'inquiète. Ah, au niveau des trucs tristes. Oui, oui. Ouais. Et encore, je vous raconte pas tout. J'ai rendu un moment triste. Ouais, avec le retour du froid. Je l'ai fait. Je suis pas sûr celui-là. Bah, avec le retour du froid, je me chauffe au grille-pain. Tu sais, je l'allume à vide comme ça et je me mets au-dessus avec mes mains pour me réchauffer. Mais non. Comme un petit feu de camp. Si, si, c'est mais très pourquoi agréable. Tu te chauffes au grille-pain? Parce qu'il fait, y a pas de chauffage dans ma cuisine et il fait froid. Et donc tu mets le chauffage. Ouais, je mets le chauffage au grille-pain, quoi. C'est triste, mais c'est efficace. Alors, un truc triste comme ça, à l'époque où je fumais, comme je ne savais pas comment allumer ma cigarette parce que je parlais tout le temps mes briquets, j'allumais au grille-pain. Ah oui. Ah ben voilà. Ouais, ouais. Ça devait être sympa le goût du pain après qu'on faisait griller. Ah ben je ne m'en servais pas pour le pain. Et voilà, j'ai arrêté de fumer, du coup j'ai un grille-pain qui sert à rien. Je vais le mettre en vente sur le bon coin. 6h50, Dinoro et Gigi D'Agostino tout de suite pour vous. Soyez les bienvenus dans 15 minutes, on double votre salaire sur Énergie. Bon réveil. Sur Énergie, il est 6h53. On va écouter Aya Nakamura, il y aura aussi le dernier David Guetta. Et à 7h05, on double votre salaire. Oui. Avant ça, quelques infos. Je pense que vous avez tous vu la vidéo ou au moins entendu parler de la vidéo incroyable de l'enseignante menacée avec une arme factice. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Dans son cours, c'est des images vraiment choquantes et dingues. Alors, elle a été filmée, la vidéo, par un ami du mec, enfin par une fille qui était avec son téléphone. Et du coup, le gouvernement pense à faire interdire le portable au lycée. Ouais. Il est déjà interdit au collège. Ouais. Donc, il voudrait maintenant l'interdire au lycée. Mm-hmm. Franchement, interdire le portable au lycée, hein, ça a un nom. Ça s'appelle une amputation. C'est vrai que ça va être violent. Ah, mais ça va être très compliqué. Ouais. Hein. Ouais. Mais c'est évident que les moyennes remonteraient. Parce que je sais que moi, quand j'étais au lycée, mon lycée, c'était interdit, les téléphones. Ouais. Et ben, j'avais une bonne moyenne. Ouais, mais t'as vu où t'as fini ? Eh ouais. Et voilà. On annule. À propos de lycée, écoutez bien, ça s'est passé en Angleterre. Un lycée interdit désormais d'avoir des sacs pendant les cours. Les élèves doivent transporter leurs affaires scolaires à la main. Alors, on dit pourquoi ? Le lycée explique pour leur éviter les problèmes de dos. Ouais. Ouais. Bon. Du coup, un élève a choisi de protester. Ouais. Écoutez ce qu'il a fait. Dans sa tête, j'ai plus le droit de prendre un sac à dos pour mettre mes affaires dedans. Puisque les sacs sont interdits, il est venu avec sous le bras un micro-ondes et ses affaires dedans. Mais non. Mais c'est hyper lourd, hein, un micro-ondes en plus. Oui, mais c'était pour la vanne. Et le mec a été viré 2 jours. Ah ouais. Oh, c'est nul. Ouais. Franchement, c'est potage, quoi. Ah ouais, c'est clair. Trop, là. C'est marrant, hein, je trouve ça dommage. Oui, je vous avais... Ah putain, je vous avais raconté... Non, Isabelle, t'étais pas là. Ouais. Si vous n'avez pas... Faut quand même que je raconte cette histoire. J'ai déjà raconté plein de fois, mais je la trouve tellement géniale. Ouais. Dans le même esprit, quand j'étais au lycée, il y a un mec qui a fait un truc, pour moi, ça restera le génie du siècle. Ouais. C'était en hiver, ok ? Ça se passait à Paris. À Paris, quand il neige deux flocons, tout le monde panique. Ouais. Ok ? Et un matin, effectivement, il neige 2 flocons. Et il y a un mec dans la classe qui n'arrive pas. Il dit, bon, bah, il doit être malade, il doit être en retard, il doit être, je sais pas, bon. Ouais. Le cours se passe. Et le mec arrive en classe, en rentrant dans la classe, après une demi-heure de cours, et il rentre, il ouvre la porte, il pousse la porte à fond, et il dit « Putain, je suis désolé !» Et là, on se retourne, on le voit arriver, le mec avait une combinaison de ski, il avait ses skis, ses bâtons, il dit « Putain, je suis désolé !» Tout le monde se retourne, la prof dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il fait « Je suis désolé, j'ai loupé le télésiège. Ah, » merveilleux. Génie. C'est ce qu'on appelle le tout pour la vanne. Exactement. Ah, non. Génial. Je n'ai jamais trouvé mieux. Parce qu'après, il faut se la taper la journée en ski. 6h55, on va s'écouter Shawn Mendes tout de suite sur Energy. Dans 10 minutes, on double votre salaire. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Sur Énergie, il est 6h58, on revient dans 2 minutes avec les infos, on double votre salaire à 7h05 et on va écouter Aya Nakamura. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Vas-y Manu, c'est bon, c'est le 6-9 sur Énergie. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. moment dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Karim demande à une responsable du rayon frais. Je suis un peu pressé, vous auriez un bon jus de fruits? Le pur jus réfrigéré innocent, pomme framboise, pomme mangue ou pomme poire pêche. Pour une bouteille de 900 ml achetée, la seconde est offerte, soit les deux bouteilles à 1,99€. 1,99€, vous savez aussi presser les prix. Oh, quel esprit! Mais n'oubliez pas, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. 1,11€ le litre, transformé en Union Européenne. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, hey, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 7h qu'on amène le coq. Et qu'on le fasse chanter. Énergie. Doublez votre salaire, ça va se passer dans 3 minutes juste après les infos. On va écouter Aya Nakamura, il y aura aussi David Guetta avant 7h30. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Ça caille ce matin, c'est normal. La nuit a été assez belle pour tout le monde. La journée le sera tout autant avec du grand soleil au menu jusqu'à ce soir sur l'ensemble des régions. Grand ciel bleu également du nord au sud avant l'arrivée d'une petite perturbation demain par l'est. Les températures donc 1 degré seulement dans l'Orne en ce moment, 3 sous le brouillard à Sedan, 8 à Montauban. Cet après-midi, il fera 15 à Brest, 17 à Saint-Étienne, comptez 20 pour Bandol. Il souffre en silence depuis trop longtemps. En réaction à la vidéo de l'une des leurs braquée en plein cours, de nombreux profs ont décidé de parler. Sous le hashtag Pas de vague, ils racontent leurs propres expériences sur les réseaux sociaux. Ces moments où ils ont été victimes de violences verbales ou physiques de la part de leurs élèves. Au passage, ces enseignants en profitent aussi pour dénoncer le rôle des proviseurs qui trop souvent choisissent d'étouffer les affaires. Ils sont riches et de plus en plus nombreux. La France est dans le top 6 des pays comptant le plus de millionnaires sur la planète. On en a donc pas moins de 2 millions à l'heure actuelle, en forte progression sur un an grâce notamment à la hausse de l'immobilier ou encore des placements financiers. Les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Japon et l'Allemagne sont devant. 630 000, c'est le nombre d'exemplaires écoulés du nouvel album de Johnny Hallyday. Son disque posthume, sorti vendredi, réalise l'un des meilleurs démarrages de l'histoire, comme on pouvait s'y attendre. Un spectacle en guise d'hommage au chanteur disparu il y a un an devrait maintenant être organisé à Paris en 2019. On parle d'une trentaine d'artistes sur scène pour reprendre les plus grands titres lors d'une quarantaine de shows. Gagner, ce serait vraiment une très bonne idée pour les Lyonnais en déplacement à Hoffenheim ce soir en Allemagne, début de la troisième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Manchester United, Juventus Turin, l'autre affiche aura lieu en même temps. Paris et Monaco joueront demain. La Normandie, destination française, à ne surtout pas manquer l'an prochain. C'est une évidence pour le nouveau guide Lonely Planet, édité aujourd'hui. Il place la région au premier rang des spots touristiques français à visiter, en raison notamment des commémorations du 75e anniversaire du débarquement. À l'étranger, le Sri Lanka arrive en tête des pays à découvrir l'an prochain, devant l'Allemagne et le Zimbabwe. À quoi ressemblera le prochain album d'Imagine Dragons? Physiquement, on le sait maintenant. Le groupe américain a dévoilé la pochette de ce nouveau disque, sa tracklist également, 12 titres dont le single Natural, sorti donc le 9 novembre, la veille des Energy Music Awards, pour lesquels évidemment les Imagine Dragons se sont nommés. Et vous votez comme d'habitude sur energy.fr. Entre les deux, pour finir, c'est une véritable histoire d'amour. Guillermo del Toro et Netflix ont deux projets en commun. Le premier, c'est une série. Le second est encore plus ambitieux. Le réalisateur mexicain s'est vu confier la tâche de créer une nouvelle adaptation de Pinocchio, un film d'animation dont la production sera lancée dans peu de temps pour la plateforme de streaming. 7h03, c'est la fin de ce flash sur le mardi 23 octobre. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Très bonne journée avec Manu. On va doubler votre salaire dans une minute. Il y a Aya Nakamura qui arrive. Et puis dans un petit quart d'heure, c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Ouais. Oui, il y a les enceintes connectées qui sont intelligentes. Ouais. Et ben pas nous. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, Georges va jouer à Georges Adi. C'est comme Jacques Adi, sauf que c'est Georges qui dit. Ah, cool. Nous avons un anniversaire aujourd'hui. Nous sommes le 23 octobre. C'est l'anniversaire d'Emilia Clarke. Savez-vous qui est Emilia Clarke? La reine des dragons. Exactement. Ah ouais. Daenerys. Ah. La mère des dragons dans Game of Thrones. Putain, j'ai jamais regardé la série, ça vaut vraiment le coup. Oh là là. Mais cette série, elle vaut le coup pour elle. Ah ouais, ouais. Vraiment, juste pour la. Non, mais les dragons, c'est des alibis. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Pour elle et Jon Snow, s'il vous plaît. Hein, il est mort. Enfin, il est mort, il est revenu. Mais bon. Ouais, mais Manif, ça va pas de faire ça. Non, mais il y a trois saisons déjà. Ah ouais, il y a des gens comme Nico encore sur Terre. Moi aussi, j'ai jamais regardé. Mais tu voulais la regarder? Bah non. Écoutez, il y a un moment, si vous êtes en retard sur le monde, tant pis pour vous. Vous savez quoi? Le train est parti sans vous. Voilà. Alors oui, Jon Snow, il est mort et Jon Snow, il revit. Voilà. Enfin, tout le monde l'a dit sur Internet, il y a un moment. Le mec part et après il revient. Ouais, bah, c'est Game of Thrones, c'est spécial. Ouais, c'est chelou. Oui, bah quand tu sais que Daenerys, elle a pondu les dragons, toi, il y a un moment. Ah ouais, j'ai envie de regarder. 7h05, on va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire sur énergie.fr ou manu dans le 69.com. Ça prend quelques secondes, c'est gratuit évidemment. Et c'est ce qu'a fait Quentin. Il habite Vannes, il a 23 ans, il touche 1520 euros chaque mois. Il a été sur énergie.fr et il s'est dit, allez, je tente ma chance. Oui, allô, j'écoute. Oh, c'est Quentin. C'est Quentin. Quentin de Vannes. De Vannes. Toi, tu sais, toi, hein. Oui. On va pas faire de suspense. Quel est le seul animateur radio qui loupe ton salaire? Ça va aller sur Énergie. Quentin, c'est gagné. Yeah. Eh ben oui, tu peux être heureux. Tu touches chaque mois 1520 euros. Eh ben ce salaire, je vais le doubler. Tu vas toucher 3040 euros. Ça va. Ah oui, ça marche, tu dis ça comme genre si je te disais tiens on prend un cheese, ça marche. Là j'en prends pas, là c'est ça va, ça le fait, non si, ça fait toujours plaisir. Non mais oui. Ça fait toujours plaisir, c'est comme vraiment. Là j'ai pas le temps encore que ça vienne, mais ça va venir et puis ça le fait. D'accord, je comprends. D'accord. Quentin, il faut savoir quelque chose, tu ne donnes pas les mots dans le bon ordre dans ta phrase. Quentin, tu es Reaper. C'est ça. Et là, vous dites, qu'est-ce que c'est qu'un Reaper? Reaper, en américain, Reaper. C'est pas un DJ, non. Non. C'est toi qui es derrière les bennes à ordures. Et qui, voilà. Et ben c'est ça. C'est moi qui suis dans les bennes à ordures et qui conduit également. Alors, c'est toujours ça le truc. Il y a des mecs derrière dans l'hiver ça cache. Ils sont Reaper. Ouais. Ils sont Reaper. Et t'as le conducteur. Et vous, comment ça se fait? Qui choisit qui fait quoi? Ah bah ça c'est sur le planning en fait. Donc si tu t'entends bien avec ton boss, il va plus te mettre conducteur quoi. C'est ça. Exactement, c'est pour ça. Faut avoir Non parce que quand il fait moins 2 dehors quand même. Ouais. C'est dur hein. Et voilà, t'es content, t'es dans le camion. Voilà. Et des fois tu sors, tu fais ça va pas trop froid, moi je rentre. Voilà, c'est pour ça que je dis aux collègues des fois de vite fermer la porte parce que j'ai froid quand ils ferment la fenêtre. Quentin, t'as un très beau rire diabolique. On te double ton salaire, 3040 euros, ça arrive très vite pour toi, bravo à toi. Merci, merci bien. Et rentre vite, tu vas attraper froid. Ouais, bah je te remercie, Manu. 7h08, Aya Nakamura sur Énergie tout de suite. Et ça peut vous arriver vous aussi, on double votre salaire tous les matins, 7h05 et 8h05. Énergie.fr pour vous inscrire. Tu rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard. Trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder. Bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder. Bom, bom, bombarder. fraîche, moi. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux la plus bonne, moi, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. Soyez les bienvenus sur Énergie. On va écouter David Guetta. Ça arrive pour vous dans 4 minutes et c'est le retour de Georges, juste avant l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui va appeler quelqu'un aujourd'hui pour jouer à Georges Hadi. Oh là là. Ah, c'est comme Jacques Hadi, mais c'est en Georges Hadi. C'est bien débile, restez là. Avant ça, quelques infos. Yes. Ah, est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment, vous êtes là, vous êtes assis au travail dans l'après-midi, et d'un coup, ça vient de nulle part, c'est « Ouh, j'ai vraiment envie de sexe là maintenant ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ah, oui. Oui, Glandu? Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Bon, après, à quel moment de la journée? Il faut voir la personne après. À quel moment de la journée? Plutôt en fin de journée, fin d'après-midi. Ah ouais, okay. Un peu fatigué, ouais. Paulette? Obligatoirement au travail, ça peut arriver dans la journée, dans un lieu public. Dans un... Oui. Dans un bus. Dans un bus, ça t'est arrivé? Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Mais j'étais surprise, c'était la première fois que ça m'arrivait. Eh bien, écoutez bien. Selon une nouvelle étude, il y a des études là-dessus aussi. Il y a une heure précise à laquelle les gens ont le plus de chances d'avoir d'un coup une pulsion sexuelle. Alors cette heure est 14h46. Waouh. Ah ouais. Après le déj. Je sais pas. Bah, le déj dure longtemps. Hein. La pause déj, ouais. Tu viens de te cramer la glandule. 14h46, c'est l'horaire auquel, a priori, on a le plus de chances d'un coup d'avoir une montée comme ça, une pulsion. Mais c'est compliqué parce que si t'as pas ton chéri sous la main, s'il est au travail, t'es au travail. Enfin, ah bah, t'as vois, pas c'est... ton chéri sous la main. Et... Ah, c'est embêtant, 14h46. Ça serait mieux, je sais pas, 22h, tu vois. D'accord, oui, mais c'est une étude, Isabelle. On peut pas changer les études, tu comprends? Non, c'est, je comprends, voilà. Et tu les vois, les patrons là, qui vont caler des réunions, des trucs en plein après-midi. Sonia dans mon bureau. Tout de suite? Non, attendez, 3 minutes. C'est chelou. Oh non. À propos de travail, si vous travaillez avec une lumière tamisée, sachez que ça peut vous rendre, vous, tamisé au niveau du cerveau. Ah ouais? Ah bon? Travailler dans un bureau mal éclairé, ça peut pousser à la déprime. Ouais. Et deux, ça peut vous rendre réellement plus con. Okay. Ah bon, ouais. Écoutez bien, c'est une étude de chercheurs à l'université de l'État du Michigan aux États-Unis qui ont découvert ça. La lumière tamisée empêche les neurones dans le cerveau de communiquer entre eux. Ouais. Donc, lumière tamisée, moins de communication de neurones, on n'est plus débile. Je propose qu'on mette un petit peu plus de lumière dans le studio. Alors franchement, ici, il faudrait vraiment un truc de ouf. Hein. Il faudrait des éclairages de cinéma. Et encore, le résultat sera pas sûr sur heure. À propos de travail, une nouvelle étude vient de montrer qu'une personne aux États-Unis, une personne sur cinq maintenant travaille de chez soi. Ah ouais. C'est incroyable. Pas tous les jours, mais au moins plusieurs fois dans la semaine aux États-Unis. Ça y est, ça, c'est devenu courant maintenant. C'est bien, ça. Une personne sur cinq travaille de chez soi. Ah, moi, je trouve pas ça bien. Je trouve ça réduit la sociabilité. Déjà que pour se rencontrer, on passe par Tinder. C'est une catastrophe, quoi. Toi, là, par exemple, tu me donnes vraiment envie d'aller bosser chez moi. C'est rigolo. On vient dans 3 minutes avec Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Vous la connaissez pas? Eh ben restez là. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Hey, c'est Manu. Hey, elle est wawa. Hey, elle est wawa. Hey, elle est wawa wawa. Énergie. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión.

never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me sur Énergie, il est 7h22. On va écouter Jane, ça arrive juste après les infos de 7h30. Et on va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. Ça se passe dans un quart d'heure, ça s'appelle le jeu des 5 mots. Et oui, c'est le meilleur jeu radio du monde. On vous offre la console de jeu de votre choix. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0 870 42 48. Avant ça, nous allons parler tous ensemble de choses qui nous font perdre notre temps. Oui. Ouais. Hier, j'ai eu une révélation. Ouais. J'ai fait à manger. Oh là là. Ah ouais. C'est bien manié. Oh, oh, oh. C'est ça ta révélation ? Oui. Non, ma révélation, c'est que j'ai fait vraiment à manger. Genre, ouais, j'ai coupé des carottes, des poireaux et tout ça. Mais c'est, wow, super, ça, Manu. C'est bien. Mais je me suis aperçu d'un truc, c'est que, mmh, ça prend du temps. Ah ouais. C'est, bah, ouf, oui, hein. Mais c'est long. Mais t'as vu le temps qu'on peut gagner en faisant réchauffer un petit truc ? Mais tellement. Oh, et vous voyez ça comme un plaisir, en fait. Ah, c'est un plaisir long, de couper des poireaux, de découvrir le poireau, de le toucher. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Il y a des choses à découvrir et à toucher qui sont bien plus sympas qu'un poireau, crois-moi. Hein. Mais Manu, t'as pas remarqué que quand tu fais ça, tu penses à des trucs, tu réfléchis, ton cerveau est en ébullition pendant que t'épluches ta carotte ? Ah non, parce que sinon je me coupe. Donc, le seul truc auquel je gaffe, c'est vraiment la carotte quand je la coupe. Ouais. Et du coup, ouais, je me suis dit, putain, je perds un peu de temps quand même. Mmh. Ouais. En étant très honnête. Ouais. D'où ma question. Qu'est-ce que vous faites ? Mais qui est bien, hein ? Mais vous dites, putain, en faisant ça quand même, je perds du temps. Moi, c'est quand je trie mes mails. Parce que je reçois beaucoup de spam et ça m'amuse de lire le contenu des spams. Oh, en fait, non, là, c'est toi qui es bizarre là. Ouais, mais j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose, tu vois. Du coup, je regarde vraiment tous mes mails, tous les trucs. C'est vrai, ouais, que tu passes à côté de beaucoup de choses dans les spams, hein. Oh, bah, ça arrive. Ça arrive. Bah, des bonnes offres. Tous les appareils pour faire agrandir le zizi. Entre autres. Déjà. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, moi je reçois beaucoup les spams comme ça, je me suis toujours demandé comment ils savaient. C'était ciblé. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous dites là ? Je suis en train de perdre mon temps, Paulette. Écoutez mes messages sur ma messagerie, sur mon répondeur. Ça me saoule de faire ça, mais il faut le faire à un moment donné. Bah oui, c'est bien quand quelqu'un laisse un message. Bah oui, c'est ça. Et le truc, c'est que du coup, je réécoute. Je suis obligée de réécouter parce que la première fois, j'écoute pas vraiment. Ah, ouais. Tu les écoutes deux fois. Ah ouais, la première écoute, je suis pas dedans. Mais pourquoi tu les écoutes pas bien la première fois ? Ah bah parce que la première fois, souvent, je suis en train de faire quelque chose en même temps et tout ça. Donc après, je me dis, ah, ça c'est intéressant, je vais le réécouter. Ah ok. Ouais. Ça vous fait pas ça ? Le message, il s'arrête tout le temps ? Je sais pas, moi, je dois coller ma joue, le message, il s'arrête tout le temps au milieu. Ah il n'y a, bah a qu'un mois que ça fait ça ? Ouais. Ouais, attends, on a vraiment une discussion sur les messages. Ah ouais, mais c'est très long. C'est vraiment dans notre émission qu'on fait ça ? Non, non, non, non. Une discussion sur savoir pourquoi le message s'arrête dans les messages. Ok, bah alors à ce moment-là, je démissionne. Ornella, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie, Ornella. À quel moment des fois tu te dis, là quand même, ça prend beaucoup trop de temps ? Oh, les feux tricolores, mais il y en a de plus en plus et ils sont de plus en plus longs, c'est juste horrible. Mmh. Alors, oui, effectivement, il y a des feux rouges qui sont un peu longs parfois, Ornella, mais mon conseil du jour, n'avance pas. Voilà. Je vais suivre ton conseil. Merci de nous avoir appelé, Nico. La plus grosse perte de temps pour moi, c'est la douche, quoi. Je suis désolé. Hein. Non, mais c'est un passage obligé, mais c'est tout le temps la même chose. Je m'ennuie, quoi. Je te jure. Bah, tu passes combien de temps sous la douche? Moi, je sais pas, peut-être 10 minutes, un truc comme ça. Bah, c'est long, 10 minutes. Ouais, hein. 10 minutes, ouais, mais parce que j'arrive pas à faire plus court. Et du coup, bah, à chaque fois, c'est le même rituel. Je me shampooine, je commence à préparer les bras, je commence par le truc, machin. Je m'ennuie. Je m'ennuie, c'est un rituel, mais c'est une routine, quoi. Chante. Vraiment, tu penses à 4h30 que je vais chanter? Enfin, que ma femme, je pense qu'elle me casse la gueule. Hein. Mais Nico, il est assez poilu, donc peut-être le temps qu'il shampooine tous ses ça poils. Ça n'a rien à voir avec les poils. Non, rien à voir. Tu dis, je me shampooine. Non, Nico, effectivement, peut-être que toi, tu passes plus de temps avec tous tes poils. Hein. Ah ouais, vraiment? Non, je sais pas. Ouais, faudrait que j'essaye. Comment tu fais quand tu te laves? Est-ce que tes poils, tu les mets sur les épaules comme ça? Tu les ranges? Je suis cool, moi, je partage un truc non, avec vous. Non, mais est-ce que t'as un bonnet de bain pour les cheveux et un autre pour les poils du torse? On va pas se moquer des poils de Nico quand même. Mais je me moque pas, en plus, je l'ai adoré dans Star Wars. Nicolas, bonjour. Salut Manu, salut le Wawin. Bienvenue sur Énergie, Nicolas. À quel moment dans la vie tu te dis, là je perds un peu de temps, là ça prend trop de temps? Ah, pour moi, c'est le rasage. Hein. On perd un temps phénoménal tous les jours devant la glace. Là, c'est plus possible. Ah bah le rasage, c'est compliqué. Sinon, surtout si tu veux te raser le corps, hein, Nico. C'est gentil. J'ai rien dit. Question pilosité, je pense qu'entre Nico, on doit être bien, en fait. Ouais, c'est un truc de Nico, je pense, c'est ça. Quoi. Attends, parce que Nico, moi, je vais à Castorama pour lui choisir toujours sa tondeuse. Hein, donc, je sais pas si t'es pareil, quand même. Merci de nous avoir appelé, Nicolas. Belle journée à toi. Isabelle, t'as pas dit, toi, à quel moment tu perdais du temps? Étendre le linge. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux, j'ai jamais vu un truc pareil. Étendre le linge. Les chaussettes. Moi, je sais qu'on est 5 à la maison. Vous imaginez le nombre de chaussettes que j'étends? Moi, j'ai envie de mourir dans ce moment. Fallait pas faire autant d'enfants. Hein. maintenant, t'assumes. Hein. Alors, t'as voulu niquer. Bah voilà. Pendant une seconde, j'ai cru que t'allais me proposer de les étendre avec moi, les chaussettes. Non. Alors, vraiment, jamais de la vie. Ouais. Tu connais bien peu Manu. Hein. À quel moment tu t'es dit, il va me proposer d'étendre des chaussettes? Je sais pas, j'y ai cru. Non, parce que je te rappelle quand même que lui, ça le fait chier de faire à manger. Hein, parce que c'est très bon. Alors, les chaussettes, honnêtement, tu sais quoi? Moi, j'attends tranquillement qu'elles sèchent dans le lave-linge. Allez, 7h27. On va revenir dans 3 minutes sur Énergie. Juste après les infos, on écoute Jane. Et dans 10 minutes, on joue ensemble au jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Mais c'est qui dans le 6-9? C'est Manu sur Énergie. Vous êtes invité au concert de 5 Seconds of Summer en Espagne avec Énergie. Hi, this is 5 Seconds of Summer. Vous pourrez même assister aux répétitions et rencontrer le groupe. Écoutez, Energy. Une place se gagne cette semaine avec Koé à 17h. 17h sur Energy. Energy, hit music only. Psst, feu vert sort ses griffes. Jusqu'au 27 octobre, 1€ les plaquettes de frein Bosch et Valeo First. C'est imbattable. Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan Conforama. Avec la carte Confo Plus, bénéficiez de 50% de remise immédiate sur une sélection de literies. Vous n'avez pas encore la carte? Demandez-la en magasin ou sur conforama.fr pour en profiter. Conforama, jusqu'au 12 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. So Cook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine? Chez So Cook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur socook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est So Simple. So Cook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Et en ce moment, vous avez 3 ans de garantie offert sur toute une sélection de Citroën C3 et SUV Citroën C3 Aircross d'occasion. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez dit occasion, vous avez dû vous tromper. Si, si, d'occasion. Chez Citroën Select, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Pendant les 10 jours de l'occasion, profitez de 3 ans de garantie offerte sur toute une sélection de Citroën C3 et SUV Citroën C3 Aircross. Citroën. Offre valable sur Citroën C3 et C3 Aircross d'occasion en stock, moins de 36 mois et 30 000 km jour de la commande. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. 40 ans après son internement en asile, Michael, il est de retour. Il est là. Michael Myers a sa revanche. M'attendez-moi. Laurie Strode tient sa vengeance. Je l'attendais moi aussi. Jamie Lee Curtis est de retour dans Halloween. Préparez-vous à l'affrontement final. Halloween, le 24 octobre au cinéma. Par Blumhouse, les producteurs de Get Out. Restez pas dehors. Avec Énergie. Intersport. Quand on lui propose d'aller faire du sport, Lucie répond « Ah, je peux pas, j'ai un rhume. » Mais depuis qu'elle a profité des Sporting Days... Un footing, ok. Avant la gym, après la muscu. Chez Intersport, du 22 au 27 octobre, ce sont les Sporting Days. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 25% sur les vêtements et les chaussures. C'est 25% de réduction et 100% de sport en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Sporting Days, jour sportif. Chers voyageurs, notre voyage continue et... Oh, écoutez, vous entendez ? 10 Les forfaits Power ! Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10 euros par mois ! Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein ? Ah oui, Francis ? Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Les journées exceptionnelles à la Grande Récré, des promos tous les jours. Du 22 au 24 octobre, bénéficiez d'une remise de moins 25% des 50 euros d'achat. C'est fou ! Moins 25% à partir de 50 euros d'achat. La Grande Récré ! Hors livres, jeux vidéo, tablettes et cartes cadeaux. Offre non cumulable, liste des magasins participants sur lagrande-récré.fr. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Dans 10 minutes, on vous offre la console de jeux vidéo de votre choix, la console de vos rêves. Il suffit de nous appeler au 0870 42 48. On va jouer au jeu des 5 mots juste après Jane et les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous, une belle journée en vue pour tout le monde, du soleil sur toutes les régions ce mardi sans aucun nuage en principe. Attention quand même à quelques poches de brouillard en ce moment dans la moitié nord, principalement sur les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne et le Centre-Val de Loire. Et les températures sont assez fraîches, 3 degrés seulement à Metz, 5 à Saint-Flour au réveil. Cet après-midi, il fera 17 au Mans et 17 à Dijon, comptez 18 à Albi. On critique souvent, mais honnêtement, ce n'est pas si mauvais. La preuve, 85% des étudiants qui fréquentent les restos U sont plutôt très satisfaits de ce qu'ils y trouvent. Il y a d'abord les horaires élargis, le prix, l'accueil et bien sûr la qualité de la nourriture. En revanche, il reste du boulot pour réduire les files d'attente ou encore offrir plus de choix. Dans l'actu également, ce ras-le-bol, celui d'une partie de professeurs qui raconte pas mal de choses sur Internet en ce moment. La vidéo d'un prof braqué par un élève en plein cours aura au moins permis de mettre en lumière la détresse, leur détresse depuis deux jours. Ils sont nombreux à raconter leurs propres histoires sous le hashtag pas de vague sur les réseaux sociaux. Des histoires de violence verbale ou physique subies dans l'enceinte de leurs établissements. Et le pire, c'est que selon eux, très souvent, les proviseurs ne veulent pas en entendre parler. On entend parler cette fois de Johnny Hallyday, puisque 630 000 exemplaires de son nouvel album ont été écoulés. Album sorti vendredi dernier, le carton annoncé est donc confirmé. Le foot au menu ce soir aussi, la Ligue des Champions, le début de la troisième journée de la phase de poule. Un club français en lice, Lyon se déplace en Allemagne à Hoffenheim, à suivre à partir de 21h. Manchester United, Juventus Turin, ce sera au même moment. Rendez-vous demain pour les fans de Monaco et de Paris. Des sorcières, des monstres, des héros, les fans de fantasy vont avoir de quoi faire ces prochains mois avec le retour des animaux fantastiques au ciné, mais aussi un tas de séries en préparation. Amazon vient par exemple de présenter Good Omens, l'histoire d'un ange et d'un démon alliés contre le diable. Et la plateforme ne compte pas s'arrêter là, Morgan Barthélémy. Oui, avec Carnival Row prévu l'an prochain, Orlando Bloom et Cara Delevingne sont au casting de cette enquête policière dans un univers où cohabitent les humains et les créatures surnaturelles. Amazon doit également lancer le tournage de sa série tirée du Seigneur des Anneaux. Avec un budget d'1,2 milliard, cette production devrait raconter les aventures de plusieurs personnages comme Aragorn avant l'intrigue de la saga. Chez Netflix, la riposte est déjà lancée pour la fin d'année prochaine avec l'adaptation du jeu vidéo médiéval The Witcher. Henry Cavill rangera sa cape de Superman pour incarner un chasseur de monstres légendaire. En 2020, on replongera dans le monde secret de Narnia avec son lion et sa sorcière blanche. Enfin, HBO prévoit déjà la suite de Game of Thrones. Un spin-off baptisé La Longue Nuit fera un bond de 8000 ans avant les aventures de Jon Snow à l'époque de la construction du mur et des premiers marcheurs blancs. Voilà, Game of Thrones qui n'a pas encore lancé son chapitre final. La 8e et dernière saison est attendue d'ici le mois de juin. On attend ça avec impatience. 7h34, fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée sur Energy. Comme chaque matin, c'est mardi, c'est le 23 octobre 2018. Bonjour mardi ! Bonjour mardi ! Le cœur des Wouah retentit. Ouais. Tout le monde est là, il y a Isabelle. Salut. Il y a Glandu. Chaud. Il y a Paulette. Youhou. Nico est là aussi. Coucou. On va s'écouter Jane dans deux minutes. Juste après, on va jouer ensemble au jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde. On vous offre la console de jeu de votre choix. Trop bien. Celle de vos rêves, celle que vous voulez avoir, on vous l'offre. N'importe laquelle. Vous nous appelez maintenant au 0870 42 48. Avant ça, attention, une info titanique. Ah oui, voilà. Selon une étude, le Titanic n'aurait jamais coulé. Malheur. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été génial. Imagine, le plus grand bluff de l'histoire. Ils ont juste fait croire à ça pour faire un film des années plus tard. Non, tout le monde connaît le Titanic, tout le monde connaît l'histoire du Titanic, que tout le monde a vu le film Le Titanic. Ouais. Eh bien, le Titanic 2 arrive. Et quand je dis le Titanic 2, je ne parle pas du film, je parle du bateau. Wow. Oh là, bah dis donc. Le Titanic 2, une réplique exacte de l'original, sera lancé le 2000 en 2022. Wow. Même si on m'assure que c'est sécure, je n'y vais pas. Je me dis ce bateau à la poisse, quoi. Alors effectivement, c'est un peu tendu. Ouais, faut pas être sûr. Ils vont faire un voyage de 2 semaines en 2022. Ce sera exactement le même bateau. Mmh. Il y aura les mêmes cabines que l'original. Il va aller de Dubaï en Angleterre, puis à New York. Il va prendre la même route à un moment que le Titanic original. Oh là là, il cherche. Le Titanic 2 aura quasiment le même nombre de voyageurs, 2400. Le même nombre de personnel à bord, 900. Et le plus important quand même, pour rassurer tout le monde, il y aura quand même des systèmes de navigation et de sécurité très pointus de haute technologie. Ah bah oui. Et c'est pas une vanne, ils ont stipulé qu'il y aura plus de canaux de sauvetage. Ah ouais. Et c'est pas une vanne. Parce que clairement, c'est vrai que les mecs avaient pas prévu quoi. Non. Quand tu vois le film, tu te dis, ah, ils en ont oublié quand même quelques-uns. Mais je suis assez d'accord avec Paulette. Ouais, je vais pas. On me propose ça ou 2 semaines aux Canaries. Non mais franchement, on te donne le choix. Est-ce que tu vas sur le Titanic? Est-ce que tu prends le risque quoi? Non. À part si y a Leonardo DiCaprio, comme dans le film. Est-ce que tu crois vraiment que Leonardo DiCaprio va dire, oh, il y a Paulette? Je t'aime Paulette, mais je suis pas sûr. 7h37 dans 3 minutes. On vous offre la console de jeu de votre choix. On joue ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. C'est dans 3 minutes sur Energy. Bon réveil, c'est mardi, on démarre la journée tous ensemble. Nacho. 7h40, bon réveil sur Énergie. On va écouter Kaiser Panda, j'adore. Ta journée ne peut que bien commencer quand t'écoutes ça. Ah ouais. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Juste avant ça, on va jouer maintenant au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Justine, bonjour. Bonjour, salut les wawa, je suis trop fière de vous entendre. Salut. Eh ben Justine, sois la bienvenue parmi nous. C'est trop bien, parce que du coup c'était ma dernière dimanche, et du coup c'était trop bien. Alors Justine, j'ai pas tout bien compris ce que t'as dit. C'était mon anniversaire dimanche. D'accord. Bon anniversaire. Mais pourquoi tu le dis comme ça? Mais parce que c'est trop bien de vous entendre. D'accord, wow. Mais quel rapport avec ton anniversaire dimanche? Eh ben parce que si je gagne, du coup, ça sera un beau cadeau. Effectivement. Ah oui, il y a un lien. Effectivement, tout est logique dans ce que tu dis. C'est quand même trop cool quoi, d'avoir quelqu'un comme ça qui est au téléphone. Parce que ça t'arrive pas, toi, Manu, quand t'appelles quelqu'un aux impôts, par exemple. Non, la personne en face réagit comme ça. C'est extrêmement rare quand tu demandes est-ce qu'on peut décaler mon paiement des impôts, que la personne dit mais c'est mon anniversaire dimanche. Effectivement, c'est pas cool. La même chose. Ouais, c'est cool. Justine, il va falloir te concentrer maintenant parce que j'ai un beau cadeau. La console de jeu de ton choix. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? La Nintendo Switch. Mm-hmm. Dans une minute, elle est peut-être à toi. Attention. Pour t'aider. Elle est choisie. Ah ouais. Allez, on va rajouter une petite difficulté. Ah, je sais. Quoi, je m'en dis. J'étais sûr, quand tu dis ça, ça va être moi. Oui. Oh, non, mais si, non, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai parce que c'est un des meilleurs. Ouais, allez. Wouh, allez, attention. Oui. Glandu sort du studio. Alors, il va mettre 1000 ans pour ouvrir la porte. Ouais, merci. Non, mais évidemment, parce que le problème, c'est que Glandu est en béquille, on vous le rappelle, depuis 2 jours. Donc, ouais, forcément, il sort en chaise. Donc, il fait rouler sa chaise pour sortir du studio. Ouais. C'est bon. Ouais. Alors, attention, Justine. Glandu est dans le studio. La question, c'est comment il va faire pour revenir. Bon, ouais, on verra. Le jeu des 5 mots, Justine, le principe est simple. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, si on y arrive, on fait revenir Glandu. On fait pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot commun, c'est gagné. Ok? Ah, ça serait trop trop bien. Justine, concentre-toi bien. C'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Aventure. Voyage. Moitié. Plus. Protection. Coque. Retourner. Faste. Piéton. Passage. Je mise tout sur le passage piéton. Moi aussi. Ça peut gagner avant. Mais au passage piéton, je le sens bien. Ouais. Attention, on va faire revenir Glandu. Allez, allez. Allez, pousse la porte. Allez, Glandu, je crois en toi, là. Allez, Glandu. Ah, il arrive. Il est bien. Attention. Et voilà. Glandu est le retour. Glandu. Pour te faire gagner, Justine, cette Nintendo Switch. Allez, on y croit, Justine. Attention, t'es prêt? Allez, je crois que toi, là. Allez. Un mot en commun et c'est gagné. On joue au jeu des 5 mots. Ouais. Aventure. Action. Justine avait dit voyage. Oh oui. Oh oui. Il reste 4 mots. Allez. Moitié. Cercle. Justine avait dit plus. Moitié. Aïe. Plus. Mais pourquoi moitié cercle? Je sais pas, la moitié d'un cercle, je sais pas. Ah d'accord, ça marche avec n'importe quoi. Hein. Oui, ça marche avec. Oui, c'est vrai. Ça marche avec parpaing, banane. Oh. Moitié plus. Tu te calmes? Non, mais on était tous les deux pas en phase. Quoi. Ah là, non, honnêtement, Justine, c'est vrai qu'effectivement, vous étiez en phase avec globalement pas la vie. Ouais. Bah oui, c'est sur ton mot-là, oui. Allez, il reste 3 mots, pas de panique. Ouais. Protection. Défense. Oh, Justine avait dit coque de protection pour le téléphone. Oh là là. Il reste 2 mots. Allez. Retourner. Acrobatique. Justine avait dit face. Face. Retourner la face. Là, dernier mot, allez. Ouais, dernier mot, on y croit. Allez, un mot. Allez, un mot. Oh là là, la pression. Glandu. Oui. Piéton. Passage. Oui. Yes. Wow. Oh là là, ça a fait des trucs dans ma tête. Ouais, j'ai chaud. Wow, trop bien. J'avais dit, je mise tout sur passage piéton. C'est clair. Ah ouais. Wow, Justine, la Nintendo Switch. Trop bien, merci. Elle est pour toi, ça arrive très vite chez toi. Bravo à toi, Justine. Merci, merci beaucoup en tout cas. On t'embrasse fort, belle journée à toi. Merci. 7h45, le meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots et c'est tous les matins à la même heure. On va s'écouter Kaiser Panda tout de suite et juste après, on va répondre aux questions que vous nous posez sur l'application Manu dans le 6-9. Vous nous envoyez régulièrement des questions, des messages vocaux. On les écoute dans 3 minutes sur Énergie. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche es muy larga. Así que vamos a quitarnos todas las ganas. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me floco como Yandel. Sur Énergie, il est 7h48 à 8h05. Ça va arriver vite. On va doubler votre salaire. Vous vous inscrivez sur énergie.fr ou sur Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. Et l'application Manu dans le 6-9, ce qui cartonne le plus sur l'application, c'est les messages vocaux. Oui. Vous nous envoyez à n'importe quel moment, quand vous voulez, un message vocal sur l'application. On les écoute tous, il faut le savoir. Et on les partage avec vous pendant, pendant toute l'émission. Et de temps en temps, il y a plein de questions qui arrivent. Ouais. On les regroupe et on se fait un petit moment entre nous. Ouais. Voici une première question qui est arrivée sur notre application. Mais le t-shirt avant ou après les chaussettes? Grosse question, gros débat. Oh. Est-ce que vous mettez le t-shirt avant ou après les chaussettes, Isabelle? Moi je dirais après parce que c'est par les pieds qu'on attrape les rhumes. Donc il faut pas rester trop longtemps pieds nus comme ça dans la chambre pour chercher le t-shirt. Tu attrapes un rhume par les pieds. Ah bon? Ouais, mais t'as vraiment l'air con en chaussettes tout nus. Hein. Oui. Bah, non mais c'est vrai. Globalement. C'est pas grave. Moi je mets toujours le t-shirt avant parce qu'on a sorti de ce merde les chaussettes au t-shirt. Donc il faut l'avoir avant. On a sorti les chaussettes au t-shirt. Bah ouais. Qui mais fait non. ça? Bah, c'est un rappel les gars. C'est la base de la mode. Bon regarde, je suis en quoi? Et dis-moi Jean-Paul Gaultier, tu vas te calmer? Non mais c'est vrai, c'est important. Moi, regarde, je suis en vert là. Ouais. J'ai des chaussettes vertes. Purée, c'est vrai en plus. Bah alors, oh là là. Évidemment. Oh la vache. Putain, tu me regardes comme un ovni quoi. Parce que t'es un ovni. Mais non. Ouais. Excuse-moi, je suis un petit peu smart, c'est tout. Oh, la vie palpitante quoi. Non mais le mec, attends, il est seul chez lui à bouffer de la purée knacky. Ma vie palpitante, moi je suis avec ma femme, je suis heureux. Alors, quelles chaussettes ? Chérie, regarde tes chaussettes, c'est deux tons de verre différents. C'est de la jalousie, ça, c'est de la jalousie. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien parce qu'en plus je t'aimais bien. Alors disons que c'est pas de la jalousie, donc vous avez deux vies différentes. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est deux vies. D'un côté, t'as papy et de l'autre, t'as le triste. Non. Heureusement, entre les deux, il y a moi. On va enchaîner avec une autre question. S'il te plaît. Alors écoutez bien, c'est une question pour Isabelle. Salut Manu, salut les Wouin-Wouin. J'avais une petite question pour Isabelle, parce qu'elle a l'air super douce, super maman poule et tout ça. Je voulais savoir quel a été le truc qu'elle avait fait le plus fou de sa vie. Quel est le truc le plus fou que t'aies fait de ta vie, madame pas folle du tout dans ta vie? Écoute, je pense que c'est le jour où en plein concert, je suis montée sur scène. J'ai passé des barrières de sécurité. En plein concert, tu as assisté à un concert. Ouais, c'est ça. Donc j'ai passé les barrières de sécurité. Je suis montée sur scène. Il y avait des vigiles, mais ils n'ont pas eu le temps de m'attraper. Et je me suis jetée dans les bras du chanteur. C'était entre deux chansons, en fait. Il parlait au public. Et je l'ai embrassé. Oh, c'était qui le chanteur? C'était Francis Cabrel. Oh non! Mais quoi? Oh non, l'histoire, elle est géniale, elle est ouf, mais quand tu dis le chanteur, c'est vrai que ça. Oui, tes mamans qui reviennent. Je rien que d'y repenser, je palpite. Mais t'as fait ça il y a longtemps? Ouais, il y a, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça. Ah, hein, quand même. C'est pas assez loin, ça, encore. Je me rappelle, même de ses chaussures, il avait des chaussures avec des. Non, c'est bon, les détails, franchement, les détails, là, c'est tout match. J'ai même eu le temps de toucher ses chaussures. On te dit, les détails, c'est tout match, Isabelle, attention. Même Francis Cabrel, il ne veut pas entendre cette histoire. On est désolé pour Maurice. Autre question qui est arrivée sur l'application Manu dans le 6-9. Là, c'est pour tout le monde. Salut Manu, salut les Wouin-Wouin. J'ai une petite question pour l'équipe, en fait. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faisiez avant de faire de la radio, tous? Qu'est-ce que vous faisiez? Allez, bonne journée. Avant de faire de la radio. Alors moi, j'ai toujours fait de la radio. C'est-à-dire que j'ai fait mes études et en même temps que les études, j'ai commencé à faire de la radio. Donc le truc que je faisais avant de faire de la radio, animateur scout. J'étais animateur scout. Ah ouais, c'était bien, c'était rigolo. Mais tu fais de la guitare et tout ça alors, du coup. Ouais, mais ce qui est incroyable, c'est que je n'ai jamais évolué au niveau de ma technique de guitare depuis les scouts. Ouais. Je sais faire Santillano et c'est terminé. Qu'est-ce que vous faisiez avant de faire de la radio, Glandu? Moi, j'étais consultant en nouvelle technologie. Non, tu vendais des clés USB. J'étais consultant en nouvelle technologie. Arrête, tu vendais des clés USB, Glandu? Pas du tout. Je peux te montrer des études que j'ai élaborées, des PowerPoints. Et vraiment, je cherchais les technologies de demain, quoi. J'essayais de. Parce qu'elle est arrivée sur le marché. Alors tu l'as cherché, mais on est d'accord, tu l'as jamais trouvé. Jamais trouvé. C'est pour ça que j'ai arrêté. Qu'est-ce que vous faisiez avant la radio, Paulette? J'étais journaliste pour un magazine qui orientait les jeunes dans leurs études. Pourquoi vous rigolez? Arrêtez. Parce qu'à chaque fois qu'elle nous sort ce truc-là, à aucun moment c'est crédible. Ouais. Mais si, je peux te donner le nom du magazine. Ah, mais ça, je sais, tu nous as donné le nom du magazine déjà. Mais c'est un problème que toi tu sois là pour orienter les gens. Quoi. Mais j'ai été virée. Oui, parce que toi déjà, t'arrives pas à t'orienter toi-même. Mais oui, je me suis fait virer. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, je donnais trop mon avis sur les cursus scolaires. Oula. Dans les articles que j'écrivais, c'est-à-dire je disais suivez pas cette branche, il y a pas de boulot. D'accord. Mais j'étais honnête, franchement, j'étais hyper honnête. Ouais, mais des fois il faut être journaliste en fait, t'es pas honnête. Ouais, je sais. À un moment, ça arrive jamais que j'ai le boulot au 20h et puis tiens, j'arrive même à gratter le nez. Je suis honnête, ça me démange. Qu'est-ce que vous faisiez avant la radio, Nico? J'étais vendeur de fruits et légumes chez Carrefour. Le roi du melon. Non, c'est vrai, à chaque fois on faisait appel à moi pour choisir les melons. Je suis vraiment bon là-dedans, j'étais hyper bon là-dedans. Voilà. Donc tu sais toujours les choisir, les melons? Toujours, c'est moi à chaque fois dans mon couple qui choisit les melons. Voilà. J'ai ce petit truc en plus. Oh, c'est génial. Plein de gens n'ont pas. Voilà. Mais tiens, on se demande souvent comment Nico réussit à faire tenir son couple comme ça, aussi soudé. C'est grâce à des petits détails comme ça. Mais c'est ça, le melon. C'est vraiment une vie chiante. Isabelle, avant la radio. Alors moi, j'ai joué des tout petits rôles dans des films. Par exemple, j'avais joué dans le film d'Alain Chabat, Didier. Vous vous rappelez de ce film? Tu fais quoi? La vendeuse de chaussures. Et j'avais une réplique, c'était est-ce que vous touchez au bout? Voilà. C'est au bout, dans la chaussure? Ouais, c'est ça. Je crois que cette scène a été coupée au montage. Hein. Non, même pas, Manu, c'est pas vrai. Non, tu peux revoir le film, elle y est encore. Ouais. Ah, écoute, on va essayer de retrouver ça. Attends. Génial. Et c'est moi, t'as pas percé, hein? Non. Et ainsi, ils se retrouvèrent tous à faire une émission de radio un jour le matin. Tel était notre destin. Allez, 7h55, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, vous les envoyez sur l'application Manu dans le 6-9, vous envoyez des messages vocaux. On revient tout de suite, on va doubler votre salaire à 8h05 et on va écouter Calvin Harris.

En ce moment, chez Peugeot, la franchise est remboursée pour le remplacement de votre pare-brise. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 8h qu'on amène le coq. Chante, petit coq. Dans 5 minutes pile, on va doubler votre salaire. Et dans 10 minutes, on va se faire du bien avec les concours du jour. Ah. Des gens improbables qui font les choses improbables. Je vous raconte leurs histoires. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Ça caille ce matin, c'est normal. La nuit a été plutôt belle pour tout le monde. La journée le sera tout autant avec du grand soleil au menu jusqu'à ce soir sur l'ensemble des régions. Grand ciel bleu du nord au sud avant l'arrivée d'une petite perturbation demain par l'est. Les températures donc, 1 degré seulement dans l'Orne en ce moment, 3 sous le brouillard à Sedan, 8 à Montauban. Et cet après-midi, il fera 15 à Brest, 17 à Saint-Étienne, 20 à Bandol. Un nouveau hashtag sur les réseaux sociaux, pas de vague, ou comment les profs racontent et dénoncent les violences verbales et physiques dont ils font l'objet depuis longtemps en cours. Les enseignants, victimes de leurs élèves, pointent aussi du doigt l'absence de réaction des chefs d'établissement qui veulent apparemment trop souvent cacher les affaires. La vidéo de l'ado qui braque sa prof à Créteil n'a donc pas fini de faire réagir. Tout ne va pas si mal, tout du moins certains ne se plaignent pas en ce moment. Selon la dernière étude du Crédit Suisse, la France compte pas moins de 2 millions de millionnaires à l'heure actuelle. En forte progression sur un an, la hausse de l'immobilier, les placements financiers encore le climat de l'économie y sont pour beaucoup. Et les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Japon, encore l'Allemagne sont devant nous. Des chiffres hallucinants, mais on s'en doutait. L'album de Johnny Hallyday, sorti la semaine dernière, s'est écoulé à plus de 630 000 exemplaires. 630 000, seulement quelques jours. La maison de disques a déjà relancé la production. Un spectacle en guise d'hommage au chanteur disparu il y a un an devrait maintenant être organisé à Paris en 2019. On parle d'une trentaine d'artistes sur scène pour reprendre les plus grands titres lors d'une quarantaine de shows. Le sport, le foot et la Ligue des Champions. Lyon en éclaireur ce soir pour le début de la troisième journée de la phase de poule. L'OL se déplace en Allemagne à Hoffenheim dès 21h. Et puis l'autre affiche du jour se déroule en Angleterre au même moment avec Manchester United, Juventus Turin. Paris et Monaco joueront demain. C'est l'une des références. Lonely Planet publie aujourd'hui son guide 2019 des meilleures destinations touristiques. Pour la France, c'est la Normandie qui arrive en tête des spots à visiter absolument avec les célébrations du 75e anniversaire du débarquement l'an prochain. Niveau monde, le Sri Lanka arrive en tête des pays à découvrir devant l'Allemagne ou encore le Zimbabwe. Allez, un petit peu de patience, il faudra attendre le 9 novembre pour découvrir les titres du nouvel album d'Imagine Dragons. 12 chansons au total dans le single Natural. Le groupe américain vient de dévoiler la pochette. Imagine Dragons est évidemment nommé au Energy Music Awards cette année. Ce sera le lendemain de la sortie, le 10 novembre à Cannes, et vous votez sur energy.fr. Guillermo del Toro et Netflix, c'est bien ça match. Le réalisateur américain prépare une série pour la plateforme de streaming et il va aussi pouvoir réaliser un rêve vieux depuis de 10 ans. Le site lui donne l'opportunité de réaliser son film d'animation sur Pinocchio. Tokyo, une nouvelle adaptation du conte. La production devrait donc être lancée d'ici quelques jours, voire quelques semaines. 8h03, fin de ce flash. On est le mardi 23 octobre. Très bon réveil, bonne matinée sur Energy avec Manu dans le 6-9. Bonne journée. Il est 8h04, soyez les bienvenus. Nous sommes le 23 octobre, c'est mardi aujourd'hui. Et cette journée, on la démarre ensemble, on la crée ensemble. Oui, ouais. Parce qu'une journée, on la subit pas. Non. Une journée, on se dit pas, on va la laisser passer. Non. Une journée, on en fait quelque chose qu'on a envie de faire. Une journée, je vous le dis, c'est comme de la pâte à modeler. Ouais. Lorsque vous vous réveillez le matin, que vous ouvrez les yeux, vous avez une boule de pâte à modeler. Qu'allez-vous faire avec cette boule de pâte à modeler? Voilà la question, Nico. Un immense cœur qu'on se partage tous. La chaîne du cœur, on le fait passer à tout le monde. C'est beau, je la prends, ta boule de pâte à modeler. Merci. Paulette, qu'est-ce que tu fais avec cette boule de pâte à modeler? Un vélo avec plein de roues et on roule tous ensemble. Déjà, c'est écolo, puis c'est sympa, ça nous fait faire du sport. Un vélo à 5 dessus. Ouais. Ça va être sympa. Aujourd'hui, un chewing-gum à goût infini qu'on se passe tous comme ça. Ah. La chaîne du chewing-gum. Tu sais quoi? Il y a une société qui a inventé un chewing-gum à goût infini. Eh ben voilà. Ah ouais, génial. J'ai lu ça. Il y a des Japonais, ils sont en train d'inventer un chewing-gum à goût infini. Le goût ne s'enlève jamais. Tu peux même en changer. Mais non. Ah bon ? Oui, c'est pas mal. C'est trop bien. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est, bah, du coup, c'est la fin des vendeurs de chewing-gum. Hein, parce que bah, alors, c'est pas t'en achètes un, tu le gardes à vie. Voilà. Après, il vaudra peut-être 2000 euros, hein, le chewing-gum. Ouais, bon. 8h05, on va écouter Calvin Harris dans 2 minutes. Mais avant ça, les amis, il est temps de doubler votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com. Vous vous inscrivez, ça prend quelques secondes. C'est totalement gratuit. Il n'y a pas de numéro surtaxé. Il n'y a pas de SMS surtaxé. Tout est gratuit. Sandy habite Magny-le-Hongre. C'est en Seine-et-Marne. Elle a 25 ans. Et son salaire, c'est 1465 euros. Elle a été sur Énergie.fr, Sandy. Et elle s'est dit. Et pourquoi pas moi ? Ouais. Et ben pourquoi pas toi, Sandy ? C'est parti. Allô ? C'est Sandy ? Oui. J'adore ce prénom, ça fait américain. Sandy ? Oui. De Magny-le-Hongre. Yes. C'est américain. Oh non. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie. Manu. Sandy. Papa. Mais si tu peux y croire. Et si ça t'arrive aujourd'hui, Sandy, tu t'es inscrite ? Oui. Bah donc c'est, donc ça fait des années que je m'inscris. Et bah tu vois, tu t'es inscrite, donc t'y croyais. Ça n'a pas marché la première fois, tu t'es réinscrite. Et bah bim, ça c'est arrive ça. Maintenant. Et bah voilà, Sandy. Et oui, ça arrive. 1465 euros x 2, ça va faire 2930 euros pour toi. Là. C'est génial, merci beaucoup, merci. Alors, tu es manager chez Etam. C'est ça. Etam, la lingerie. La lingerie, oui. Encore, à une lettre près, on aurait parlé chaussures, mais non. Non, on va parler, c'est pas les chaussures. On va parler lingerie. Alors, c'est quoi manager chez Etam ? Ça veut dire quoi ? En fait, je m'occupe de gérer et l'équipe, et en même temps, je suis sur la surface de vente, à faire des ventes avec les filles. Sauf qu'en plus, je gère l'équipe. Ah ouais. Oh la vache. Et c'est quoi du coup, Sandy, le sous-vêtement à la mode ? T'emballes pas. Les filles. Non mais on veut savoir. Ah bah c'est tout ce qui est un petit peu push-up forcément pour mettre en valeur la poitrine. Ah ouais. Bah, alors, oui. Alors Sandy, toi qui es manager chez Etam, donne-nous ton avis de professionnel. Est-ce que mettre un push-up, c'est tromper ? Non. Ah. Ah. Non. Mettre un push-up, c'est pas mentir. C'est pas mentir, parce que des fois, les femmes, avec ce qu'elles vivent dans leur vie, les hormones, les enfants, ça peut aider d'avoir un petit push qui met légèrement en valeur la poitrine sans trop en rajouter. C'est pas tricher. Ouais. C'est aider. Ouais. D'accord. C'est un petit plus, ça permet de mettre en valeur. Vous êtes content. Voilà. Mais moi, je ne me plains pas. Bah voilà, donc c'est pas juste tromper. Qu'effectivement, si tu as un push-up, que tu l'enlèves et que d'un coup, bim, ça tape tes genoux. Il y a push-up et push-up. Attention, enfin, des petits push-up, pas des maxi trucs. Oui. Mais nous, c'est vrai que les hommes, on fait pas ça. On n'a pas ça sur les testicules. On n'a pas les push-up. Effectivement, c'est dur. C'est là qu'on va arrêter. C'est là qu'on va arrêter cette discussion. Sandy, on te double ton salaire, 2930 euros. Ça arrive très vite pour toi. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Vous êtes géniaux. Changez jamais. Merci beaucoup. Et ben toi, toi, pareil. Merci. On t'embrasse Sandy, merci d'être là chaque matin avec nous. Il est 8h08, dans 3 minutes c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font les choses improbables. Je vous raconte leurs histoires juste après Calvin Harris et Sam Smith sur Énergie. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. Do promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Sur Énergie, il est 8h11, on va écouter Big Flo, Olivier Petit Biscuit, ça arrive dans 3 minutes, mais avant ça... Voici des gens improbables qui font des choses improbables. Oui. Ils s'appellent les concons du jour, et chaque jour ils nous permettent de nous dire qu'il y a pire que nous dans le monde. C'est vrai. Ouais. Attention, premier du genre, c'est la première fois que nous avons un concon en Éthiopie. Ah, bienvenue. Parce que les concons nous permettent effectivement de découvrir des pays, ouais. De découvrir des facettes du monde qu'on ne connaît pas. C'est ouais. Vrai. Nous allons en Éthiopie aujourd'hui. Cool. Un homme là-bas va aux urgences pour des maux de ventre. Les médecins lui font une radio. Et après la radio, ils s'aperçoivent que dans son estomac, le mec avait 122 clous de 10 cm de long. Wow. Il y avait mais des non. Petites punaises aussi, mais ça c'est trois fois rien. Oh. Oh. 122 clous de 10 cm de long, ils lui ont tout retiré. Putain, il devait sonner au portique des aéroports lui. Ah bah grave. Wow. Alors, le mec a expliqué, je suis désolé, j'y peux rien, j'aime le goût du fer. Ah mais non, ah, ouais. non. Ah, ouais. Ah bah c'est compliqué. Ça marche pas. Et puis faut faire attention, faut pas être derrière lui quand il pète le mec. Hein. Oh non. Ah non. Bah, on veut pas savoir maintenant. Bah excuse-moi mais bon. T'imagines le mec qui s'inscrit un truc de tir à l'arc. Bon, on enchaîne. Oui, c'est mieux. Concon du jour en Seine-Maritime, retour en France. Là-bas, un homme décide, après l'anniversaire de son fils, de brûler les emballages cadeaux dans le jardin. Mm-hmm. Sauf que il y a beaucoup de cadeaux, donc beaucoup d'emballages cadeaux, et que le feu grandit et se propage à la réserve de bois du jardin, puis à la maison elle-même, puis à la maison du voisin. Oh, les non. Deux maisons sont inhabitables. Oh, non. Ah, il s'en souviendra quoi. De son anniversaire. De son anniversaire. Oui, alors il a eu des cadeaux, mais il a plus de maison. Dernier concours du jour, ça se passe en Russie, dans une étable. Un homme vole en pleine journée du bétail et décide de le cacher dans un véhicule qu'il a aussi volé. Et le véhicule, c'est un bus. Non. C'est-à-dire que le mec a volé des vaches qu'il met dans un bus. Ah oui. Ouais. Et oui. Sauf que des vaches dans un bus, bah, c'est tout sauf discret. Bah oui. Globalement. Ouais. Donc en fait, le mec a roulé. Bah, la police quand même rapidement, ça a attiré leur attention. Ils l'ont arrêté. Et voilà, le mec a terminé en prison avec son bus et ses vaches. Pas possible. Mais quand tu te fais arrêter par la police avec un bus et avec à l'arrière des vaches. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi l'excuse que tu sors? Ah non, c'est pas ce que vous croyez, c'est le bus scolaire. Ce sont mes élèves, je les emmène à l'école. Et 8h14, on revient tout de suite sur Énergie. On va écouter Big Flo, Olivier Petit Biscuit. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9, on démarre la journée ensemble. Manu dans le 6-9. Oh Manu, si tu savais tout le bien que tu me fais. Énergie. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown when I come. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spend less.

7h21, bon réveil sur Énergie. On va écouter les derniers MHD, il y aura aussi Dinoro. Et avant ça, qu'avez-vous de spécial? Qu'avez-vous de spécial que vous voulez partager avec nous? 0870 42 48. Vous venez d'une planète éloignée, appelée Krypton, et vous avez des super pouvoirs? Eh bien, ça nous intéresse, Superman. Ouais. Laura, bonjour. Salut Manu, salut les Wawins. Salut. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce que tu as de spécial que tu veux partager avec nous? Alors moi, je suis capable d'enlever le hoquet. C'est-à-dire que je regarde quelqu'un dans les yeux, je lui dis tu n'as plus. Tu veux dire que tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu lui dis juste t'as plus le hoquet, il l'a plus à chaque fois. Génial. À chaque fois. Non. Ouais. C'est incroyable. Mais tu lui fais un truc, tu le touches, tu... Non, je le regarde et je lui dis tu l'as plus. Mais... Et ça marche. Et ça marche, ouais. Waouh. On dit qu'il faut faire peur à quelqu'un pour enlever le hoquet. Est-ce que tu fais peur quand tu dis ça? Moi, bon, je pense pas que j'ai un regard qui fasse peur, mais... C'est pas très gentil, Paulette, ça. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que pourquoi? Quand tu regardes quelqu'un, tu fais peur? Mais non, mais quand tu dis tu l'as plus, il y a des gens qui sont très stricts, qui arrivent à te dire des choses, ça te, tu les crains. Tu le dis comme un ordre? Non, je lui dis tu l'as plus. Tu l'as plus. Ouais. C'est trop pratique. Bon, moi, dis donc, ça marche que pour le hoquet? Bah, j'aimerais bien que ça marche pour autre chose. Si je dis tu ne l'es plus et que les gens sont moins bêtes, ça m'arrangerait. Mais... Oh, ça dénonce. Ah, mais tu m'étonnes, quand t'es en face de toi, on n'a plus envie d'avoir le hoquet. Hein, c'est... Non, ça marche pas pour le découvrir à la banque, par exemple. Tu l'as plus. Merci de nous avoir appelé, Laura. Qu'avez-vous de spécial? Quelle est la chose spéciale sur vous qu'on a envie de connaître? Coralie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wawa. Salut. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Alors moi, j'ai pas de pouvoir particulier, mais il y a un truc, je suis allergique à tous les fruits, sauf à un, la banane. Oh. Alors ça, c'est cool déjà, ouais, de pas être allergique à la banane. Ouais. Mais t'es allergique à tous les fruits, sans exception. Ouais, tous les fruits, ouais. Ouais, je peux pas les manger, ça me fait... ça me gratte dans la gorge, je fais des bruits de gorge bizarres, j'ai l'impression que mes lèvres, elles deviennent énormes, d'avoir des petits boutons et tout, c'est horrible. Oh merde, ça c'est con. Ah oui, il faut prévenir du coup, si ça fait ça, quoi. Si un premier rendez-vous, t'oses pas dire non à une salade de fruits... Ça se termine mal, hein. J'aurais jamais dû accepter ce kiwi. Dans quelques secondes, mes lèvres vont tripler de vol. Oh dur. Et c'est compliqué dans la vie de tous les jours? Bah après, en force, on s'y fait, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, non, écoute, après, à force, je me fais une raison, en fait. Mais alors, du coup, le 5 fruits et légumes, tu l'as dans le cul, toi? Ah bah, si je peux me permettre, hein, pardon. Oui. On peut dire ça comme ça, ouais. Bah, il reste les légumes, c'est pas grave. Ouais, il reste les légumes, on est d'accord. Bah, il reste les bananes, quoi, ça fait 5 bananes par jour. Ça fait beaucoup, hein. 5 bananes par jour, tes fesses ne te remercient pas, je crois. Merci de nous avoir appelé, Coralie, on t'embrasse fort. Bisous, les Wawins. Belle journée. Tariq, bonjour. Salut Manu, salut les Wawins. Quelle est la chose spéciale à savoir sur toi, Tariq? Alors moi, bah, suite à une opération, bah, j'ai des vis dans le pied, ce qui fait qu'en fait, que chaque fois que je passe un portique à l'aéroport, ça sonne. Oh merde. Ah ouais. Mais du coup, t'es obligé de prévenir avant, non? Bah en fait, je préviens, je suis même obligé de prendre mon certificat médical pour leur dire, mais le problème, c'est que le certificat médical, il est dans le sac à dos, il passe à côté, enfin c'est assez galère. Ah quoi. Ouais, le cercle vicieux d'enfer. Ah ouais. Mais je vous dis que j'ai un certificat, posez votre sac là, mais si je pose mon sac, il va passer là-bas, je ne pourrai plus vous donner mon certificat, alors vous restez là, vous ne passez pas. Oui, mais j'ai mon certificat là-bas. Non monsieur, vous serez bloqué jusqu'à la fin de votre vie, condamné à vivre sous le portique de l'aéroport. C'est mon nouveau film, n'hésitez pas, allez voir. On te souhaite une belle journée, Tariq. Merci beaucoup, ciao ciao. Et embrasse le portique pour nous. Pas de soucis. 8h25, on revient tout de suite sur Énergie avec les infos, on va écouter MHD, il y aura aussi Dinoro. Et dans 10 minutes, comme chaque jour, c'est les sondages du matin qui arrivent. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Comment puis-je oublier Manu et ses ouin-ouin? Tous les matins sur Énergie. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Coé à 17h30. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va? Je suis sous la pluie, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es sous la pluie? Ben, parce qu'à Nice, il pleut. Attention, ouverture de l'enveloppe. Oh là là. Quoi? J'ai pas gagné. Bénédicte, tu gagnes 10 000 euros. Oh, 10 000 euros! Vous envoyer dans quelques jours. Ah, génial. Oumi, ma chérie maman a gagné 10 000 euros. T'es contente? Oui. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Coé au 7-10-12.

Elle habite dans ma ville. Quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je le ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe. C'est, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. Making me dance now, I can't move on. Oh, my girl so sexy. The way she dance so sexy. So she give me love sexy. You making me once more sexy. Yeah. With your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put down for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we my yade, go, baby girl, so. Ay, ay, ay, ay. Make you follow me, go make you drop all my money. Elle va trouver le bonheur. Elle est entrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chiller pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Bienvenue sur Énergie, il est 8h38, on va écouter Dinoro et Gigi D'Agostino, mais avant ça, voici comme chaque jour, les sondages du matin. Oui. Alors attention, celui-là je le garde pour après. J'adore. Oui, vous savez pas duquel je parle du coup. Oui. Ouais. 11% des hommes ont essayé de conquérir une femme en leur faisant ça. En leur faisant quoi ? 11% c'est pas beaucoup, hein. Donc je dirais peut-être en les coiffant, tu vois, un truc bizarre. Non. Une chanson ? Non plus une chanson. Une tape sur l'épaule. Une grosse tape sur l'épaule. C'est vrai que pour conquérir une femme, une bonne tape sur l'épaule. Ah, ça crée, ouais. Ça crée. Avec un petit roi ou pas? Non, c'est pas ça. C'est un cadeau. C'est. On peut considérer que c'est un cadeau. Ils, ah ouais, ils ont fait quelque chose. Ils, en leur. Écoutez bien, en leur faisant ça, donc ils lui ont fait quelque chose à la femme. Ah. Confectionné, quoi. Confectionné, on peut dire ça comme ça. Ouais. Tricoter un pull? Non. C'est un objet? Pas vraiment. Oula. Un truc qui se mange? Ah bah oui. En leur faisant à manger. 11% des hommes ont essayé de conquérir une femme en leur faisant un gâteau. Ah ouais? C'est mignon. Ah, un gâteau. Ouais. Bah t'arrives et tu dis tiens, c'est un gâteau pour toi. Ils sont, c'est des, ils sont jeunes ces hommes, non? C'est des, parce qu'un gâteau, c'est bizarre de faire ça après 30 ans. Bah non, moi ça me paraît très bizarre qu'il y ait un mec avec un cake, quoi. C'est mignon, tu vois. Mais c'est le côté cake là. Je crois encore moins à 20 ans qu'à 60 ans le cake. Hein. Bon. Cette profession est celle à qui on ment le plus. Quelle est cette profession, Isabelle ? Psy. C'est pas les psys. Dentiste. C'est pas les dentistes. Mais c'est banquier. Autour de la médecine ? Pardon, autour de la médecine, pas du tout. Non. Ah. Non, rien à voir avec la médecine. On les voit tous les jours ou pas, ces gens-là ? Ah oui, on les voit tous les jours. Les profs. C'est pas les profs. Les juges ? Les juges, non, on voit pas les juges tous les jours. Réfléchissez, c'est un peu correct. L'information aussi. Mais... Dans la vie, je veux dire, aujourd'hui. Dans la vie, on les voit tous les jours. D'accord. Oui, tous les jours, je vois la lune, mais je n'y vais pas tous les jours. Tu me fatigues, hein. Bon, je vais vous donner la réponse. Ouais. Cette profession est celle à qui on ment le plus, les policiers. Oh non, pas voilà. Eh ben ouais, c'est ce sondage qui dit ça. Oui, mais le fameux, non, j'ai pas vu le feu. Quand il sonne chez toi, ah non, c'est pas nous qui faisons du bruit. Voilà. 95% des personnes disent qu'elles peuvent reconnaître leur partenaire les yeux fermés, rien qu'à ça. Rien qu'à quoi? Leur odeur. C'est pas leur odeur. En touchant leur visage avec les mains? Non plus. Leur haleine? Leur haleine, non, mais c'est quelque chose qui sort du corps. Hein? Oula. Ouais. Ah. Ah, ah, ah. 95% des personnes. La voix, du coup. Je sais pas la voix. 95% des personnes disent qu'elles peuvent reconnaître leur partenaire les yeux fermés, rien qu'à ça. Leur ronflement. Non, c'était leur rire. Ah bah oui, oui. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est particulier quoi. Bah oui, honnêtement, le rire d'une personne, tu le reconnais quoi. C'est unique, ouais. Ouais. Chaque rire est unique, vraiment. Tout à fait, Isabelle. Comme chaque être d'ailleurs. Mais tout à fait, absolument. Oh, ouais. Chaque être est unique. Oui. Soyez les bienvenus, notre cours de méditation. Allez. On referme les sondages du matin. 8h41, vous êtes peut-être au travail déjà et peut-être que vous avez fait quelque chose de pas bien au travail. Mm-hmm. Mais personne ne le sait. Mm-hmm. Et bien venez nous le raconter. C'est ce qu'on va faire dans 3 minutes sur Energy, juste après Dinoro et Gigi les Ghostillos. Bon réveil. Bienvenue sur Énergie, il est 8h44. On va s'écouter Jérémy Frérot. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et avant ça, vous nous appelez au 0870 42 48 pour avouer. Mmh. Avouer les choses que vous avez fait au travail, mais personne ne le sait. Ouais. Donc, a priori, c'est pas travailler. Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Pourquoi on en parle? Parce que j'ai trouvé ça sur internet, dans les forums. C'est génial parce qu'il y a des forums qui, au départ, par exemple, des forums de jeux vidéo, et on parle de tout sauf de jeux vidéo. Par exemple, de ça. Qu'avez-vous fait au travail que personne ne sait? J'ai regardé les 7 saisons de Game of Thrones sur mon iPhone. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est pas mal ça. Si t'es allé sur un an, ça va. Si en une semaine, c'est plus problématique. Alors que je suis censé travailler de chez moi, j'ai fait un tour du monde tout en répondant aux mails et aux appels, quel que soit le lieu où j'étais. Oh, wow. Ça, c'est fort, ça. Ah ouais. Faut faire gaffe aux photos que tu postes sur Instagram, quoi. Ouais. Ah bah t'en postes pas. Si tu mets en réunion avec tes pieds devant une piscine, c'est gaulé. Ouais. J'ai utilisé le photocopieur dans le bureau de mon patron pour photocopier mon zizi. Oula. Oh, on l'a tous fait à un moment, ouais, ça. Bah, le zizi. Attends, tu veux dire quoi? Pas le zizi, pas les fesses, ça fait les fesses. Pourquoi pas les fesses, quoi? Mais quand on est aux fesses, tu fais les zizi. Hein. Ah ouais. Mais non, parce que la photocopieuse, ça reste comme un mystère. On comprend pas comment ça marche. Ouais. Donc on veut savoir si ça peut tout photocopier. Ouais, d'accord. Bah voilà. Ouais. Mon conseil maintenant, quand vous utiliserez la photocopieuse, je m'adresse aux personnes au quatrième étage à énergie. Mm. Passez un coup de Jacques Vitre. Ah, non, non. Qu'avez-vous fait au travail et personne le sait. Julie, bonjour. Oui, bonjour Manu, bonjour les Ouinouins. Bienvenue sur Énergie, Julie, on t'écoute. Merci, alors moi, c'est quand je suis de permanence samedi matin, je suis toute seule et je passe ma matinée à commander des fringues sur Internet. Ah, ok, toute ta matinée. Oui, j'ai un peu de travail à faire, mais sinon je fais que ça. D'accord, t'es pas débordée de... Ouais. Non. D'accord, non, non. Rassure-nous, tu n'es pas chirurgien? Non plus. D'accord. Alors ça va. Merci de nous avoir appelé. On a Mathieu qui est là. Bienvenue Mathieu. Salut Manu. Salut les Wawa. Qu'est-ce que tu as fait au travail et personne ne le sait et c'est donc pas du travail? Eh ben moi j'ai simulé gastro pour pouvoir aller jouer au nouveau Call of. Alors Call of c'est Call of Duty, c'est un jeu vidéo. Ouais, okay. T'as simulé une gastro à ce point-là? Ouais. Et pourquoi tu prends? Tu sais quoi Mathieu? Honnêtement, moi je serais toi. Assume. Moi j'ai un pote qui fait ça. Il pose ses vacances pour jouer aux jeux vidéo. Ouais, mais ouais. Oui, mais il assume. Ouais, ouais, c'est bien. Il dit ouais. Je prends un jour de vacances. Mmh. Ouais. Là, t'as un peu triché, ouais. Tu vois. Ouais, mais c'était pas prévu. Du coup, ma copine m'a fait la surprise. Elle m'a acheté le jeu. Du coup, j'étais impatient de le tester. Bon, ouais. D'accord. Mais enfin, c'est pas une raison valable, ça, Mathieu. Tu ne peux pas dire à ton patron, je suis désolé, j'ai menti en disant que j'avais une gastro parce que ma copine m'a offert le jeu. Et... Non, ça ne passe pas. Après, c'est le concept. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait au travail qui n'est pas du travail? Merci de nous avoir appelé, Mathieu. Paulette? Je me suis fait un masque pour le visage un matin à Énergie avant d'arriver. Parce que je trouvais que j'avais super mauvaise mine, donc je suis allée aux toilettes et je me suis fait mon masque. Mmh. Et vous m'avez pas vu, vous avez rien vu. Mais on doit pas le garder longtemps, le masque? Je l'ai gardé 6 minutes, c'était ça qui avait marqué sur la pochette. Ah, d'accord, en toute détente. Ouais. Ok. Il y a même des masques une minute, hein, Paulette, si tu veux. Hein. Ah, bah ça, je pourrais en faire plus souvent. Ouais. Bah ouais. Mais non. Mais non. Florence, bonjour. Allô? Oui, allô. Florence joue sur une autre radio en même temps. Non, pas du tout. Excusez-moi, j'étais dans la lune. Salut les Wawa, salut Manu. Bon, bonjour à toi Florence, bienvenue. Bah, pardon, si t'es au travail, on a compris ce que tu fais au travail, c'est-à-dire rien. C'est ça, je dors les yeux ouverts. Non, moi en fait, quand j'étais militaire, j'ai cousu les manches d'une veste de cérémonie d'un pote qui devait recevoir une médaille ce jour-là parce qu'en fait, ça m'amusait trop. Et il a failli arriver à la bourre pour recevoir sa médaille. Oh. Oh la vache. C'est pas très gentil ça Florence. Mais c'est pas grave, j'assume, il était chiant, pardon. D'accord, okay. Okay. Ouais. Ça se passe bien à l'armée, tu faisais quoi à l'armée? J'étais maître d'hôtel. Maître d'hôtel à l'armée? Ben oui. Il y a des maîtres d'hôtel à l'armée? Bien sûr, dans la marine nationale, le fleuron de la marine nationale. Mais t'es genre, t'arrives comme les maîtres d'hôtel comme on voit dans les films là, genre bonjour, vous prendrez son comme ça? Ouais, plus ou moins, ça dépend où on est affecté. Mais c'est pour les genre les mecs qui les sont pour les officiers très souvent. Ah, c'est pour les mecs qui sont gradés. Mais il y a pas que parce qu'à bord des bateaux, il y a aussi des maîtres d'hôtel pour les officiers mariniers, c'est-à-dire ils sont pas officiers mais on appelle ça des officiers mariniers. Dis-moi Florence, j'ai l'impression que la marine nationale en fait c'est des croisières. Non, oui, mais parce bien sûr, que... la croisière s'amuse, bien oui, sûr, oui, mais non, mais ça... Oui, vas-y. Oui, non, mais ça, c'est ce que tout le monde pense, c'est ce que tout le monde croit, mais pas du tout. Et non, c'est quand même l'armée, quoi. Ouais. Mais excuse-moi, il n'y a personne pour vérifier. Comme par hasard, vous êtes loin dans la mer, et comme par hasard, c'est... top secret. Vous êtes juste planqué tranquillement en train de bronzouiller peinard. Et puis en train de siroter des petits cocktails et puis de se faire des barbecues plage arrière. Tu vois, c'est toi-même qui le dis. Et en plus, vous prenez des avions des fois pour faire des petits voyages. Exactement, puis des hélicoptères quand c'est assez rapproché, quand on n'est pas trop loin des côtes. Florence, maître d'hôtel, dit enfin la vérité. Bim. Alors... Pas du tout, je n'assume pas du tout ce que tu viens d'être dit à l'instant. Florence, vous venez de le dire à l'antenne en direct. Florence, je m'appelle Élise Lucet, la vérité est là. Oui, mais bien sûr Élise, merci Élise. Je vous en prie. On t'embrasse Florence, belle journée. Allez, à toi. Allez, bisous, bonne journée, ciao. Gros bisous, 8h50. Jérémy Frérot sur Énergie, c'est revoir. Soyez les bienvenus, on démarre la journée ensemble. C'est Énergie, c'est Manu dans le 6-9. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. De la hauteur, hein, ah, ceci n'est pas un au revoir, car je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. N'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. On va s'écouter The Prince Karma dans 5 minutes. Later, bitches. Later, bitches. Ça arrive pour vous. Avant ça, quelques infos. Vous préférez une info musique, une info intelligence ou une info Tinder? Musique. Ouais, musique. Ouais, musique, musique. Ah, j'aurais dit Tinder. Bah voilà. Moi, j'aurais dit intelligence, mais comme je suis toute seule, c'est pas grave. C'est quoi, honnêtement, Paulette, avec l'intelligence, on risque de se blesser. On va faire musique. Allez. Qui se souvient de Winamp? Ah bah Winamp. Oui. Oh. C'était un lecteur qui lisait tous les types de fichiers, qui était puissant. Au début des années 2000, c'était le lecteur sur l'ordinateur qui pouvait lire tous les fichiers audio. Ouais. Donc, quand le MP3 est arrivé, le lecteur que tout le monde avait, c'est vraiment au début des années 2000, c'était Winamp. Ouais. Et ben Winamp a revenu en 2019 sous la forme d'une application pour permettre encore de lire à nouveau des fichiers audio. Ah ouais. Oh, c'est super. Oui, enfin, il arrive peut-être, je dis bien peut-être, un peu en retard. Ouais, bah oui, c'est bizarre. Ils veulent lancer un truc un peu hipster, quoi. En disant, ouais, tu utilises Winamp comme il y a des années, quoi. Ah, ouais, c'est peut-être. Vintage. Mais ça ne marche ouais, pas. C'est vintage, mais enfin, il y a des trucs mieux maintenant. Ouais. Mais bon. Allez, le truc intelligent. Ouais. L'info intelligente, alors elle mêle intelligence et musique. Ah, ouais. Oh. Okay. Dans l'équipe, qui joue l'instrument? Nico joue de la guitare. Ouais. Je gratouille un peu de guitare. C'est vrai. Paulette. Et moi, je reprends le piano. Oui, mais là, en ce moment. Bon, j'en joue pas. Okay. Non, moi non plus. Ok. Jamais su rien jouer du tout, non. Non, du. Selon une étude parue hier, les scientifiques sont formels. Ceux qui jouent d'un instrument ont un QI plus élevé que la moyenne. Oh, yes. De quoi bim. Merci Manu. Et de quoi? Ça, j'aime bien ça. Bon, ça me fait plaisir. La raison